Stephen King a dû aimer le Covid, Stephen King aime Las Vegas, Stephen King a écrit Le Fléau et Josh Boone l'a adapté. À tous et à toutes, bienvenue au Vidéoclub de Castle Rock. Je suis avec Chris, salut. Hello. Comment vas-tu? Écoute, ça va, même si j'ai dû revivre la prestation d'Ezra Miller sur quelques minutes pour cet épisode. Donc mentalement, ça va pas trop. Ouais, ça va, il apparaît pas beaucoup quand même. Oui, mais le peu qu'il apparaît, ça suffit. Oui, c'est toujours trop d'Ezra Miller, hein. C'est un peu le souci. Il n'y a pas vraiment d'actualité concernant King depuis la dernière fois. En même temps, pour le coup, le dernier enregistrement était assez proche, mais il n'y a pas eu vraiment de nouveau, à part qu'il a quitté Twitter. Mm. Voilà, vu qu'il était pas mal actif, c'est quand même une petite révolution, j'imagine. Voilà, Elon Musk aura réussi ça. Alors, où va-t-il atterrir maintenant? Bonne question. Apparemment, il est sur Threads. Mais j'y vais pas beaucoup pour ma part, donc bon. Je n'y suis pas inscrit, moi je suis uniquement sur Blue Sky. Je suis inscrit sur Threads parce que c'est très facile de s'inscrire à partir d'Instagram et que j'en avais un, même si je l'utilisais quasiment jamais. Mais bon, c'est pas un réseau que j'aime beaucoup, pour être honnête. Ah, pourquoi? Je sais pas, je trouve ça assez mal foutu, Threads. On dirait un peu... Enfin, je trouve qu'il y a un côté très LinkedIn dans l'ambiance pour le moment. C'est pas ouf. Ok. Bon, du coup, je propose qu'on se lance tout de suite dans l'épisode. Eh bien, allons-y. Donc, nous allons spoiler la série et le roman. Si vous voulez notre avis sur le roman, c'était un vieil épisode. Hein, c'était déjà le 6e épisode. C'est vrai que c'est tombé assez tôt quand même, hein. Ouais, c'était venu très vite. Et pour rappel, le roman, c'est un roman sur lequel on a des réserves, autant dire ça tout de suite, effectivement, pour rafraîchir la mémoire. Mmh. Globalement, on en aime vraiment bien la première partie, l'équivalent grosso modo du premier tome, oui, dans l'édition française. C'est très bien mené, c'est très rythmé, il y a des scènes marquantes. La deuxième, entre le fait que ça se concentre des fois sur des personnages secondaires assez osef pendant longtemps, et tout le message religieux dont on n'est pas fan du tout... Plus le final qui est un peu faible, selon nous, c'est pas un roman dont on est particulièrement fan. Et donc on n'avait pas été particulièrement fan, c'est le moins qu'on puisse dire, de l'adaptation de Mick Garris, qui est toujours assez loin dans notre classement, même si elle n'est pas dans le flop 5. Oui, effectivement. Enfin, elle y est plus, elle y est restée un moment. Et donc c'est parti pour la nouvelle adaptation. J'ai peur. Moi aussi. On ira où? Bienvenue dans la zone libre de Boulder. Je m'appelle Stu Redman. Lequel de vous est Larry Underwood? Comment vous savez qui je suis? À votre avis? Mère Abigail. Tout ce que je sais, c'est qu'on a rêvé d'elle et qu'elle est apparue. Elle nous a tous réunis et elle veille sur nous en ces temps d'incertitude. J'arpente les chemins de la révélation. Je sais que tu sens sa présence. Il se fait appeler l'homme noir. Le plus souvent, je ne vois que son loup. Mère Abigail nous a dit qu'il y avait deux camps. Le bien et un gouffre sans fond d'où jaillissent les ténèbres. Promenons-nous dans les bois. Pendant que le loup n'y est pas. Bou. Dans le monde d'avant, ils vous apprenaient à ne jamais en vouloir plus. Leur époque est révolue. Cette nouvelle ère sera la nôtre. Des jours sombres nous attendent. Des jours de mort et de terreur. L'homme noir est plus puissant d'heure en heure. Et bientôt il détruira tous ceux qui se dressent sur son chemin. Aujourd'hui, le monde est une page blanche. Le mal est parmi nous. C'est à vous d'affronter ce fléau. Les projets de réadapter le fléau débutent dès 2011 sous la houlette de la Warner et de CBS qui voulaient en faire un film à cette époque. CBS détenait les droits depuis un bon moment sans savoir qu'en faire jusqu'à décider d'un partenariat, probablement pour des raisons de budget, ça nécessite forcément un budget assez conséquent, quelque chose comme le fléau. Bah oui, fatalement. En 2011, le duo annoncé en scénariste et réalisateur, ce sont Steve Kloves et David Yates, le premier en scénariste, le deuxième en réalisateur. Donc Steve Kloves, c'est le scénariste de tous les Harry Potter sauf l'Ordre du Phénix, et David Yates, c'est le réalisateur de tous les films à partir du cinquième, l'Ordre du Phénix. Donc c'est un duo habitué à travailler ensemble d'une part, et habitué à gérer des univers de grande ampleur. Je laisse chacun libre de dire s'il trouve qu'il les gérait bien ou non, mais il les gérait en tout cas. Oui voilà, c'est déjà pas mal finalement. Et 2011, justement, c'est la sortie du dernier Harry Potter, donc ils arrivent en bout de projet avec ça. A priori, ils vont avoir du temps libre. Ce qui, a priori, va les refroidir, c'est d'une part, justement, de se relancer dans quelque chose d'aussi conséquent alors qu'ils sortaient tout juste d'Harry Potter. Du coup, ils vont plutôt se lancer dans les animaux fantastiques, lol. Enfin, David Yates, en tout cas. Steve Kloves viendra juste essayer de sauver la catastrophe sur le dernier, visiblement, mais bon. Et ils réalisent aussi que le projet nécessiterait en fait une mini-série. Ils disent qu'ils... Alors, leur explication un peu bizarre, je crois que c'est Yates qui dit ça, il dit qu'il manquait pour un film de quoi mettre des moments d'action et que le côté lent et contemplatif ne marcherait qu'en série. Bon, ça me paraît un peu basique comme manière d'envisager le cinéma, mais admettons. Ouais, effectivement. Bah, et également comme manière d'envisager la série télé, pour le coup. Oui, aussi, oui. Ils sont remplacés par le scénariste David Kashganish, qui a par exemple fait Blood Creek, Bigger Splash, Suspiria ou Bones and All en tant que scénariste. Donc c'est un scénariste pas mal associé à Guadagnino. Oui. Et en réalisateur, à cette époque, on annonce Ben Affleck, qui à l'époque avait réalisé déjà 3 films, Gone Baby Gone, The Town et Argo, qui allait sortir, mais qui devait être à peu près terminé à ce moment-là. Que je n'ai toujours pas vu. J'ai vu que Argo, ou alors j'ai vu The Town. Je crois que j'ai vu The Town, mais que j'oublie toujours, ou alors que c'est que je confonds l'affiche avec quelque chose d'autre. The Town, il est un peu chiant. Hein. Argo, c'est vraiment bien, pour le coup, par contre. D'accord. The Town, c'est un peu chiant. C'est quand même Affleck qui essaye de faire son hit. Et voilà. Mais c'est plus chiant que l'original. Son hit, pas le truc avec Gripsou, hein. Non, le Michael Mann. Enfin, mais voilà, n'est pas Michael Mann qui veut, quoi. Ouais, ça, effectivement. Qui travaille sur Hit 2, d'ailleurs. Et Gone Baby Gone, pour le coup, j'avais trouvé ça plutôt sympa, voilà. Ok, bah si je le trouve à l'occasion. Et oui, pour le coup, je vois pas trop l'intérêt d'un Hit 2, mais bon, laissons-lui le bénéfice du doute. Bah, a priori, le roman est vraiment bien, donc je sais pas. S'il l'a fait en roman avant de passer au scénario, et visiblement, oui. Le roman est vraiment bien. Ok. Donc bon. Pour revenir donc à la production du fléau, les difficultés continuent. Kashganish dit qu'au départ, on lui avait demandé un scénario pour 2 films avant de lui demander de corriger pour le réduire à un seul, alors qu'il avait déjà galéré à faire en sorte que ça tienne sur seulement 2 films. Un nouveau réalisateur est brièvement envisagé, c'est Scott Cooper, réalisateur de Strictly Criminal, Black Mass pour le titre international sous lequel il est plus connu, j'ai l'impression, ou Hostile, ouais. Mais à l'époque il n'avait fait que 2 films, et il part assez rapidement parce que lui aussi se sent incapable de réduire l'histoire en un seul film. Là on est à peu près début 2014, donc il y a eu quand même pas mal une valse en un temps relativement bref, on va dire. Et c'est à ce moment-là que le réalisateur-scénariste Josh Boone est engagé, donc pour écrire et réaliser le film. Alors à l'époque, Josh Boone, il avait fait la comédie romantique L'amour malgré tout, dans laquelle King fait un caméo vocal dans son propre rôle, et son film encore le plus célèbre aujourd'hui à les sortir, c'est Nos étoiles contraires. D'accord, je n'ai vu ni l'un ni l'autre. Non, moi non plus, même si Nos Étoiles Contraires a quand même pas mal bonne réputation, j'avoue, oui, ça m'emballe pas, moi, mais bon, peut-être à l'occasion, peut-être que j'ai tort. Et à l'époque, il venait aussi de quitter un projet d'adaptation d'Histoire de DC, qui se développera donc dans son coin et donnera la série dont on a déjà parlé à terme après avoir beaucoup bougé. En 2014, il finit un premier script pour un film et la pré-production commence. Alors non, Warner avait en fait encore changé son fusil d'épaule à ce moment-là. Après avoir lu le script pour un film de 3 heures de Josh Boone, il lui propose, et Boone est très enthousiaste, de finalement faire 4 films. Comme c'était effectivement 4 films, un projet pas mal bâtard, ça va vite évoluer vers un format plus télévisuel, et en juin 2015, l'idée s'est devenue de faire une mini-série en 8 épisodes qui correspondrait aux 3 premiers films, et de conclure sur un long métrage. D'accord. Mais la cession des droits du fléau par la CBS à la Warner prend fin, et le projet est donc mis en pause. A noter qu'à cette époque, Josh Boone travaille sur un autre film, enfin sur plusieurs autres projets au développement chaotique, dont Les Nouveaux Mutants, qui finira par sortir. Ok. C'est donc un film de lui, hein, Les Nouveaux Mutants, qu'on a trouvé plutôt bien, qui a reçu un accueil critique très froid, mais qu'on a trouvé vraiment sympathique. Sans être un excellent film d'horreur, puisque c'était ce que ça voulait être, ça arrive à distiller une ambiance qui est pas trop dégueulasse, tout en respectant les personnages de l'univers Marvel qui l'utilisent. Non, c'était pas si mauvais que ça, finalement. Ouais, ce personnage était bien, hein, je trouve, effectivement. Et à cette époque, il planchait également sur une adaptation de Revival, qui, elle, pour le moment, n'a pas vu le jour. Les dernières nouvelles datent de 2020, et à l'époque, attention, trigger warning, c'était Mike Flanagan qui avait récupéré le projet. Toujours dans les bons coups. Voilà. Il travaillait aussi à ce moment-là sur une adaptation de Secret Show, un roman de Clive Barker, avec comme co-scénariste un certain Owen King. Ah! C'est en 2018 que le projet semble à nouveau décoller, et cette fois-ci, il est prévu de faire une mini-série de 10 heures pour CBS, toujours écrite et scénarisée par Boone. Elle est officialisée en janvier 2019. Boone est finalement épaulé par Benjamin Cavell à la création de la série, et d'autres noms sont annoncés, dont celui d'Owen King, donc à la production et dans l'équipe de scénaristes. Benjamin Cavell, il avait travaillé à l'époque comme scénariste et producteur sur la série western Justified, ainsi que sur Homeland et Sneaky Pete, mais seulement à l'écriture, pour le coup. Et Owen King, c'est le plus jeune des enfants de Steven et Tabitha King. Comme son frère Joe Hill, il est auteur de romans et de comics, même s'il est moins actif que lui. Le seul truc que j'ai lu de lui, c'est sa collaboration avec son père, avec Sleeping Beauties, qui est très bien. En cours de procédé d'écriture, la série est réduite de 10 à 9 heures. Il est aussi annoncé que King écrira le dernier épisode, Stephen King, pardon, afin d'amener une nouvelle fin à son histoire. Le but semble être principalement de permettre à Fran d'avoir une scène où elle se défend, elle qui est très passive pendant tout le reste de l'histoire. Mm-hmm. Je vais rapidement évoquer les autres scénaristes qui sont présents sur la série. Ce sont tous des familiers de Josh Boone et de Benjamin Cavell. Il y a Jill Killington, qui visiblement a travaillé sur un projet de remake d'Interview avec un vampire, avec Josh Boone. Ça a été abandonné, enfin en tout cas je pense que ça a été abandonné parce qu'on n'en a pas de nouvelles depuis des années. Et c'est tant mieux parce que là c'était Jared Leto qui était envisagé dans le rôle principal. Oh là, voilà. Ah, effectivement oui. Il y a aussi Nate Lee, co-scénariste des Nouveaux Mutants, pas mal actif comme scénariste et producteur, surtout sur des trucs Jackass, voilà. Ok. Donc ces deux-là, Killington et Nate Lee, étaient impliqués dans le développement du projet depuis longtemps, à l'époque où ça devait encore être des films. Se rajoutent Eric Dickinson, ancien assistant de Benjamin Cavell, et Taylor Elmore, qui a travaillé avec Cavell sur Justified. A noter que quasiment tous les scénaristes sont également producteurs sur la série. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui se fait fréquemment. Alors là, je ne pourrais pas te répondre, malheureusement. Et les réalisateurs, il y en a 5, mais il y en a 2 qui travaillent en duo. Il y a Tucker Gates qui a travaillé en tant que réal sur Bates Motel, Lost, Alias. Il a réalisé un épisode de X-Files sur le Chupacabra, enfin El Chupacabra, ah, pour le nom de l'épisode. Qui est un épisode plutôt sympathique, ça fait partie de ces épisodes que j'aime bien me regarder de temps en temps. J'avoue que ça m'a fait marrer que le titre soit laissé en espagnol, alors que bah du coup, il n'y a que le qui devient elle. Tu sais, pour faire bien hispanique. On parle la langue. Il a travaillé aussi sur House of Cards et sur une masterclass d'acteur de Kevin Spacey. Bon, peut-être qu'à l'époque, on ne pouvait pas savoir. Peut-être. Les deux qui travaillent en duo, ce sont les réalisatrices Danielle Crudy et Bridget Savage Cole, qui avaient réalisé entre autres Blow the Man Down, qui se passe dans un village du Maine. C'est peut-être pour ça qu'elles ont été engagées. Peut-être, effectivement, c'est rigolo. Chris Fisher est producteur et réalisateur sur Star Trek Strange New Worlds et sur Person of Interest. Je sais pas ce que vaut Strange New Worlds, je me disais que toi tu connaîtrais peut-être. Ça fait partie de ces séries Star Trek que je n'ai pas vues. D'accord, elle est encore assez récente en même temps. Oui, elle est récente celle-là. Et Person of Interest, j'ai vu les premières, les 3 ou 4 premières saisons, je ne sais plus. C'est de la série policière thriller, tu sais, avec vraiment un épisode scénarisé par semaine et un fil rouge qui est distillé et avancé au fur et à mesure. Bon, c'est de la recette éculée et bon, au bout d'un moment, tu fais vite le tour, quoi. Oui, après, ça peut être bien fait. Bah là, c'est bien fait sur les premières saisons. Au bout d'un moment, à force de ne plus faire avancer ton histoire... Ouais, oui. Et le dernier réalisateur, c'est Vincenzo Natali, dont on a déjà parlé, puisque c'est le réalisateur de Dans les hautes herbes, en adaptation de King. Et c'est un réalisateur que nous aimons vraiment bien. Même si, bon, là, c'est du format série, tout le monde doit un peu faire la même chose. J'avoue qu'on ne distingue pas plus sa patte que celle des autres. Voilà. C'est ça le problème. On a bien aimé Dans les hautes herbes. Oui, il est toujours bien classé. Le film brode bien sur une nouvelle assez courte. Oui. À la base, le duo d'acteurs qu'aurait voulu Josh Boone serait été Christian Bale en Randall Flagg et Matthew McConaughey en Stu. Bon, il ne les aura pas, évidemment. Effectivement. J'imagine que Christian Bale, il aurait perdu 60 kilos pour le rôle et puis qu'après, il aurait oublié de jouer. Voilà. C'est... Oh là la méthode là, c'est habituelle. Tête-attaque. Oui, je sais, c'est méchant. Il va y avoir deux changements majeurs, on va dire, à l'intrigue, majeurs entre guillemets. Bon, le premier, c'est la réactualisation du contexte. Ça se passe à l'époque de tournage, donc vers 2018-2019. Mmh. Et pas dans les années 70 comme le roman. Et le genre d'un des personnages importants est changé. C'est Ralph Bretner qui devient Ray Bretner. Voilà. Mais sinon, le personnage remplit à peu près le même rôle. Donc c'est à peine un changement en soi. Oui, finalement. C'est juste que sinon, il y a quand même très très peu de personnages féminins, effectivement, dans le fléau. Mm. Nous allons passer au casting. Dans le rôle de Stu Redman, il y a James Marsden, un acteur actif à partir des années 90, mais qui accède à la popularité plutôt dans les années 2000 en jouant Cyclope dans les films X-Men. Puis plus tard, il joue aussi dans Superman Returns. Oui, c'est vrai. Ensuite, il a une carrière en danse si niveau popularité de ce qu'il fait, entre des succès comme 27 robes et pas mal d'échecs. On peut citer dans les échecs, hélas, parce que je trouve que c'est un très chouette film, The Box de Richard Kelly. Ah oui, avec Cameron Diaz également. Ouais, celui sur le couple qui reçoit une boîte avec un bouton et sur lequel ils doivent surtout pas appuyer. Oui, ne surtout pas appuyer, sinon il peut se passer quelque chose. Ouais, c'était pas mal, c'est pas mon Kelly préféré, mais oui, ça se tient. Non. Bah après, les trois Richard Kelly sont vraiment bien, hein, donc même si je trouve que The Box est effectivement peut-être le moins bon, ça reste un chouette film. Hein. Oui, clairement. Et il a un des rôles principaux dans Westworld et dans les films Sonic, il joue le personnage humain principal. Oui. Les deux films Sonic, moi je trouve que c'est des films sympathiques. Je les ai pas vus, j'en ai vraiment trop rien à foutre de Sonic. Ah oui, voilà, c'est ça le truc. Désolé pour les fans qui nous écoutent, hein, mais... Désolé, Punky. En fait, Sonic, moi, j'y ai joué un peu quand j'allais chez des amis, et c'est tout, quoi. Sinon, j'ai aucun attachement à la saga, donc voilà. Mm. Mais ouais, je trouve que ces deux films vraiment sympathiques. Je les ai vus sans déplaisir. Et je regarderai clairement le troisième film. Et puis Jim Carrey est incroyable dedans. Oui, ça, pour le coup, la performance de Jim Carrey a l'air vraiment cool. C'est presque le truc qui pourrait peut-être me motiver, tu vois. Oui, à la regarder. Voilà. Et il joue Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, dans le film Le Majordome. Franny Goldsmith est jouée par Odessa Young. Alors, c'est un des trucs un peu troublant parce que ça fait une énorme différence d'âge avec Stu. parce que Marsden approche de la cinquantaine, tandis que Odessa Young, elle avait 22 ans au moment du tournage. Ouais. Dans le roman, Stuo est effectivement un peu plus vieux, mais il a la trentaine, quoi. Donc, This is cinéma, j'ai envie de te dire. Ouais, oui, mais bon. Malheureusement. Là, c'est vraiment rajouter une différence d'âge qui n'est pas du tout dans le roman, pas à ce point en tout cas. Mm. Odessa Young, c'est une actrice australienne qui commence sa carrière très jeune. Elle joue une ado fugueuse dans Looking for Grace de Sue Brooks. Elle est dans Assassination Nation de Sam Levinson, un film d'horreur comique que je trouve inégal, mais pas absolument inintéressant. Elle ne l'a pas vue. Et après Le Fléau, elle a joué dans Shirley. Alors, elle joue pas le rôle-titre, mais c'est un biopic de Shirley Jackson. Voilà. Donc, on a déjà régulièrement évoqué. Et non pas de Shirley et Dino. Non, non, non. Sur Shirley et Dino, vous pouvez voir Cabaret Paradis, si vous voulez. C'est leur film et c'est absolument grandiose. Ça veut dire nul à chier, hein, en langage Issam. Ça veut dire que je l'ai vu avec Fry, déjà. Ah oui. Ça donne une idée. Effectivement. Trigger warning déjà, red flag. Mais bonjour à lui cependant. Et à côté, elle a aussi une carrière sur scène, pas Shirley de Shirley Dino, mais Odessa Young, voilà. Oui, parce qu'il y en a une, on préférait qu'elle ait pas de carrière sur scène finalement. Ça me faisait marrer quand j'étais gosse, Shirley Dino, leur sketch. Oui, mais t'avais une excuse, t'étais gosse. Voilà, peut-être. Laurie Underwood est jouée par Jovan Adepo. Son premier film, c'était Fences, réalisé par Denzel Washington, dans lequel Denzel Washington joue aussi avec également Viola Davis. Il est aussi dans The Leftovers ou dans Jack Ryan, les séries. Depuis, il a joué par exemple dans Babylone de Damien Chazelle ou dans l'adaptation version américaine du Problème à trois corps, le roman de science-fiction chinois que je dois lire depuis une éternité. Oui, moi aussi. Excellente réputation. Oui, d'accord. Oui, tout pareil. Mais faut que je me prévoie le temps. Et du coup, je n'ai rien vu d'autre dans lequel il apparaît. Non, moi non plus. Le problème à trois corps, en fait, faut que je prévoie le temps parce que déjà, il paraît que c'est de la hard SF, parfois un peu difficile à suivre au niveau des concepts que ça développe. Et puis, il y a trois tomes en réalité. Si j'en lis un, c'est pour enchaîner assez rapidement sur les deux autres. Ah bah, et puis à mon avis, il faut parce que sinon, tu te retrouves vite perdu. Ouais, il paraît que vraiment, c'est touffu comme trilogie. Et il sera un des acteurs principaux dans Welcome to Derry. Voilà. Eh ben c'est super. Ouais, n'est-ce pas? Du coup, est-ce qu'il va reprendre son rôle de Larry Underwood? Bah, je ne pense pas. Après, d'ici qu'il y ait une référence, je sais pas. D'ici à ce qu'il décide de faire de Welcome to Derry une espèce de King Universe. Il y a moyen. Hein. Mon Dieu. Glenn Bateman est joué par Greg Kinnear, qui commence en étant journaliste et présentateur télé, je ne le savais pas, avant de se tourner vers le cinéma. Un de ses premiers rôles, c'était dans Sabrina de Sidney Pollack. Ok. Il joue dans Pour le pire et pour le meilleur et Vous avez un message de comédie romantique que j'aime bien. Et quelques années plus tard, dans l'excellent Little Miss Sunshine, c'est lui qui joue le père de famille. Il avait déjà joué pour Josh Boone dans son premier film, sa carrière étant orientée vers du cinéma plutôt indépendant, j'ai l'impression. Donc je ne connais pas énormément de choses, mais il est pas mal actif. Et voilà, ça a l'air d'assez bien marcher pour lui, mais il a choisi ou il a été mis dans la case du cinéma indépendant. Bah, grand bien lui fasse, hein. C'est pas forcément mal. Et il a joué Kennedy dans Les Kennedy, voilà. Et décidément. C'est ça. Nick Andros est joué par Enrique Zaga, qui a joué dans Les Nouveaux Mutants. Il jouait Solar, le mutant au pouvoir de MC, j'imagine. Oh, la vache. Ouais. Ouais. Il est l'âge de trèfle qui pique notre cœur. Et il a joué aussi dans plusieurs séries, comme Teen Wolf. Et il est dans Cuir de Luca Guadagnino avec Daniel Craig. Ok. Ray Brentner, qui est donc l'équivalent de Ralph dans le roman, est joué par Irène Bédart, qui a eu un début de carrière difficile, hein, puisque c'est elle qui double Pocahontas dans le Disney. C'est un peu honteux, hein. Oui. Non, enfin, c'est pas contre elle, évidemment, on prend ce qu'on a, mais je trouve vraiment que c'est un concept honteux, Pocahontas par Disney. Hein. C'est le fait de reprendre comme ça une histoire assez horrible autour de la colonisation et d'en faire une histoire d'amour. C'est vraiment Disney où j'arrive pas à pardonner le concept de base, en fait. En fait, c'est surtout ça. C'est le fait d'avoir romantisé cette histoire horrible. Ouais, voilà, c'est ça. Il est là, le vrai problème. C'est vraiment dégueulasse. Elle est aussi dans Phoenix, Arizona, un film qui a une certaine réputation parce qu'il est parmi les premiers, si ce n'est le premier, à avoir obtenu un large succès en ayant dans son équipe principale que des natifs américains. Le réalisateur, c'est Chris Eyre. Le scénariste Sherman Alexie et le casting aussi est constitué de natifs américains. On ne l'avait pas cité parce que son rôle était assez secondaire, mais elle était aussi dans The Mist, voilà. Ok, je me souviens pas du tout d'elle dans The Mist. Non, moi non plus, elle a vraiment un petit rôle. Ok. Tom Cullen est joué par Brad William Henke, qui a été joueur de football américain avant de se reconvertir comme acteur suite à une blessure. Il joue l'oncle de Casey, le personnage d'Anya Taylor-Joy dans Split. Et il a joué dans plusieurs films, mais surtout, c'est des rôles secondaires à la télé qu'il a eu dans Orange is the New Black, par exemple. Et il est décédé en 2022 à seulement 56 ans. Mmh. Mère Abigail est jouée par Whoopi Goldberg, qui a le rôle principal dans le film La Couleur Pourpre. Ça a beaucoup participé à lancer sa carrière. Après, je la connais quand même principalement pour des rôles comiques, Whoopi Goldberg. Son rôle de médium dans Ghost, par exemple. Oui. Pour lequel elle est la deuxième femme noire à recevoir l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, après Hattie McDaniel, à l'époque de Autant en emporte le vent. Il y a eu un sacré écart, quand même. Effectivement, oui. Elle est aussi dans les Sister Act. Oui, bien entendu, c'est là même que, je pense, la majorité du grand public la connaît. Oui, effectivement, je pense que ce sont ses rôles les plus connus. Dans les trucs que j'ai vus passer, qui m'ont eu l'air intéressants, il y a Bogus, un film dans lequel Gérard Depardieu joue l'ami imaginaire d'un enfant. Voilà. Ah oui, effectivement, je ne l'ai pas vu, mais je vois de quoi il s'agit. Et globalement, elle enchaîne les seconds rôles dans beaucoup de films. Elle tourne vraiment beaucoup, Whoopi Goldberg. C'est souvent destiné à un public enfantin. Depuis une bonne vingtaine d'années maintenant. Mmh. Mais elle fait aussi beaucoup de doublage pour de l'animation. Et justement. Elle fait pas mal de doublage, effectivement. Ouais. Parce qu'elle a une voix très particulière qui va très bien, effectivement, avec des personnages de dessin animé, je pense. C'est notamment elle qui double l'une des liennes du Roi Lion. Oui, effectivement. C'est également sa doubleuse FR qui est repris pour le personnage en version française. Ils ont bien fait le truc. Oui, et qui fait très bien le taf aussi en français. Harold Loder est joué par Owen Teague, qu'on avait déjà vu puisque c'est lui qui joue Patrick Oxketir dans Les Sas de Muschietti, et il était aussi dans Cell d'ailleurs, mais je crois qu'on ne l'avait pas évoqué dans Cell parce qu'il avait un petit rôle. Oui, il avait une micro apparition. Et depuis, on peut citer qu'il a joué le rôle principal dans le dernier Planète des Singes en date, mais évidemment, on le reconnaît pas vu qu'il joue un singe. Effectivement, oui. Nadine Cross est jouée par Amber Heard, rôle principal dans The Ward de Carpenter. J'avais totalement oublié que c'était elle. Oui. Mais c'est surtout une actrice dans des seconds rôles, dans Zombieland, Helldriver, Machete Kills, The Danish Girl, ou le DC Cinematic Universe, où elle joue, j'oublie le nom de son personnage. Mera. Mera, voilà. Elle a quand même, elle a pas une carrière extraordinaire, hein, malheureusement pour elle. Non, elle a pas eu une carrière extraordinaire et elle va le devenir d'autant moins parce qu'elle est très peu active depuis l'affaire judiciaire l'ayant opposée à Johnny Depp, puisque oui. Le traitement médiatique et public lui a tout mis sur le dos en embrassant toute la communication et tous les mensonges du camp de Depp. Voilà. Donc ça a, hélas, atteint son but et clairement coulé la carrière de Amber Heard. Et après, oui. J'espère qu'on la reverra dans quelques années. Alors, c'est pas que je sois passionné par Amber Heard en tant qu'actrice, mais là, c'est vraiment une injustice assez flagrante. Oui, voilà, c'est ça, surtout. Surtout en termes d'injustice, que voilà. Bon. C'est assez dégueulasse, le traitement de cette affaire. Surtout en période post-MeToo. Voilà. Ça a été vraiment honteux. Randall Flagg est joué par Alexander Skarsgård, frère de Bill, et vu le nombre qu'ils ont l'air d'être dans le camp Skarsgård à être acteur, je pense qu'on peut adapter l'intégralité de l'œuvre de King, nouvelle comprise, en mettant à chaque fois un Skarsgård différent comme antagoniste. Oui. Oui, c'est vrai. Il commence sa carrière très jeune en Suède. Sa notoriété aux États-Unis a pas mal été aidée par la série True Blood. Je vais pas vous mentir, ouais. Moi je connais que des trucs américains avec lui, hein, parce que le cinéma ou les séries suédoises, je suis assez peu calé sorti des 2-3 choses qui nous arrivent chaque année. Oui, voilà, c'est ça le truc. Voilà. Il a joué Tarzan dans le film de David Yates. Ouais, qui était vraiment pas bien. Je l'ai pas vu, j'ai même pas pris la peine. Il a le rôle principal dans l'excellent The Northman, dont on avait parlé au dernier podcast ciné, pour le coup. Oui, qui est vraiment à voir. Il est dans un truc que je n'ai pas vu, mais qu'il faudra que je voie, la série Little Drummer Girl, réalisée par Park Chan-wook. Ah oui, exact. Il a l'un des rôles principaux même de la série. Je ne l'ai pas vu, hein, mais je sais qu'il a un des rôles principaux et la série avait bonne presse à l'époque. Oui, bah même si c'est une série, il faudrait que je me bouge pour la voir quand même. Et ainsi que la série qu'il a fait avec Robert Downey Jr. depuis. Et parenthèse, True Blood, parce que j'ai vu True Blood dans son intégralité, c'est une série que j'aime bien, voilà. Bah ça, c'est plutôt apprécié. Hein. Il a un bon rôle dedans. Bah, c'est un chouette acteur, hein, pour le coup. Contrairement à son frère, Alexander Skarsgård, c'est un très chouette acteur, je trouve. Oui, c'est vrai. Et, anecdote amusante, il avait déjà joué face à James Marsden, et il avait déjà été opposé, en fait, à James Marsden, puisqu'il jouait tous les deux dans un remake des Chiens de Paille, le remake de Rod Lurie, le film original. Moi, j'ai vu que l'original de Sam Peckinpah, et j'aime beaucoup l'original, pour le coup. Lloyd Henry, oui, forcément, il y a un gros cast dans Le Fléau, est joué par Nat Wolff. Ado, il a joué dans une série de télévision qui s'appelle The Naked Brothers Band, un documentaire où il joue une version romancée de lui-même aux côtés de son frère. Ça a l'air un peu bizarre. Il a déjà joué pour Josh Boone dans Nos Étoiles Contraires, et il joue Light dans le film Netflix Death Note. Ouh, voilà. Oui, je me souviens, oui. Globalement, il est très actif, et j'ai l'impression que tu préférerais ne pas te souvenir. Oui, c'était pas très bien, le film Death Note. Sans être la daube infâme que tout le monde pointe du doigt, mais je pense que les gens le pointent du doigt comme une daube infâme parce qu'ils ont tendance à mettre le manga un peu trop haut dans leur estime. Mais c'était pas bien. J'ai l'impression que la fanbase Death Note est quand même assez toxique. Hein. Oui, je pense. C'est le cas de pas mal de fanbase manga, mais Death Note, j'ai toujours eu un sentiment étrange qui m'a pas donné envie de le lire, du coup, alors qu'il paraît que c'est quand même vraiment bien. Ah bah c'est très très bien, hein, pour le coup. Et l'anime aussi est très bien. Ouais, mais je préfère lire les mangas dans ce genre de cas. Je vais plus vite à lire un manga qu'à regarder un anime. Bah, puis c'est beaucoup moins long. L'anime, je crois, c'est 52 épisodes, alors que le manga se tient sur un peu moins de 15. C'est 12 ou 13 tomes, je ne sais plus. Ouais, un truc comme ça, ouais. Et puis, tu profites des dessins de Obata. Oui, c'est vrai que visuellement, pour le coup, ça a l'air magnifique, ce que j'en ai vu. Mm. Fait partie des titres de manga qu'il faudra que je rattrape. Voilà. Un jour. C'est ça, parmi plein d'autres, hélas. Julie Laurie est jouée par Catherine McNamara, qui joue la deuxième Green Arrow dans la série Arrow et les séries du même univers. Ça, oui. Je me dis que t'as peut-être vu. Et sinon, elle est dans quelques films et des TV. J'ai vu les séries du Arrowverse, comme on appelle. Il y a du haut et des bas, voilà. C'est des séries télé, donc niveau budget, bon bah, ça peut pas toujours faire ce que ça voudrait faire en tant que série super-héroïque. C'est le souci. Ouais. Mais c'est loin d'être honteux. Voilà. Ce n'est que mon modeste avis. La femme rat, ou Ratwoman en VO, est jouée par Fiona Dourif, fille de Brad Dourif et d'une voyante. C'est un peu rigolo étant donné qu'on a vu Brad Dourif en dératiseur il y a quelques films. Oui, dans c'est La créature du cimetière. Et c'est l'actrice principale dans La malédiction de Chucky. Ah, mais oui. Et elle revient dans le film suivant et dans la série aussi. Je n'ai toujours pas vu la série, il paraît qu'elle est vraiment pas mal. Bah, étant donné que c'est le réalisateur, chapeauteur des films qui est sur la série, oui, je pense qu'il y a moyen que ce soit pas mal. Hein. Mm. Et elle aussi est dans True Blood. Hein. Le monde est vraiment... Ah, j'ai pas fait gaffe, elle. elle joue que dans quelques épisodes, mais elle est dans True Blood. D'accord. La poubelle est jouée par Ezra Miller. C'était malheureusement visionnaire en 2019 de mettre Ezra Miller dans un personnage qui s'appelle La poubelle, parce que ça s'est révélé un bon pseudo. Oui, effectivement. Après, rassurez-vous, il apparaît très peu. C'est déjà trop. Et le dernier que j'ai noté, c'est un petit rôle qui apparaît dans peu d'épisodes, mais le général Starkey est joué par J.K. Simmons, et on aime bien J.K. Simmons. Oui, c'est vrai que ça fait plaisir de le voir, même si c'est que pour une petite poignée de minutes. Voilà, c'est ça. Du coup, Ezra Miller n'a même pas le droit à sa présentation ou à ce qu'il a fait. il a violé des gens. Ça suffit comme présentation ou t'en veux plus? Ah, il a fait beaucoup de merde. Ouais. Et J.K. Simmons, à la limite, j'ai été un peu surpris qu'il mette pas l'épidémie sur le dos de ce maudit Spider-Man, mais bon. Ça aurait été rigolo, tiens. Ouais. À noter deux caméos, il y en a un de King, mais seulement sur une photo, quand il passe par la maison de retraite où était Mère Abigail, il y a une photo de King, enfin une photo collective dans laquelle il y a King. Et dans le dernier épisode, pendant le barbecue, il y a Mick Garris qui fait un caméo. Exactement. La série est tournée dans la région de Vancouver entre septembre 2019 et mars 2020, le tournage s'achevant quelques jours avant que le confinement n'arrive. Voilà, ils sont bien tombés. Effectivement. Les directeurs photos sont Thomas Yatsko, Ellis Mulkin et David Stockton. Je ne vais pas insister sur eux parce que tous les trois sont actifs surtout à la télévision. Les décors, parce qu'il y en a pas mal et il y en a des assez chouettes, sont de Aaron Hay qui a fait les décors de Crazy Bear, par exemple, ou de Bohemian Rhapsody. Wow. Voilà. Et le palace de Flag est dans un hôtel abandonné, un hôtel de luxe abandonné près de Vancouver. Donc, les effets spéciaux sont de Jake Braver, qui avait déjà travaillé sur Boone, sur Nos Étoiles Contraires, et on peut citer sa contribution à Birdman, par exemple. La musique est de Mike Mogis et Nate Walcott. C'est un duo qui fait partie du groupe Bright Eye, qui c'est plutôt en groupe comme ça de musique un peu rock. Dans un sens très large, qu'ils sont connus. Ils avaient déjà fait la BO de Nos Étoiles Contraires et de L'Amour Malgré Tout, et ils auraient dû faire celle des Nouveaux Mutants avant d'être remplacés par Mark Snow, même si visiblement il y a quand même quelques-unes de leur musique dans le montage final. Ce qui était plutôt heureux, hein, parce que Mark Snow, c'est un bon compositeur, c'est le compositeur d'X-Files d'ailleurs, tandis que eux, leur travail est pas formidable, hein, on va pas se mentir, c'est très oubliable. Oui, clairement. La série est diffusée à raison d'un épisode par semaine à partir du 17 décembre 2020 sur CBS et dans le reste du monde. Elle est distribuée par Amazon Prime. A priori, il y a eu des hésitations à diffuser la série aussitôt alors qu'on était encore en pleine période Covid parce que bah, du coup, ça ne rappelle pas forcément des bons souvenirs. Oui, enfin bon, mais bon. Il y a quand même une énorme différence, quoi. Oui, voilà. Disons que là, les chances de survie sont très limitées. Oui, un peu plus limitée, ouais. Elle bénéficie d'une réception critique mitigée et globalement moyenne, hein, même parmi ceux qui aiment. Le choix de présenter les premiers épisodes dans un ordre non chronologique, par exemple, ça divise, tout comme la multiplication des sous-intrigues en un temps limité. Et actuellement, la série a 57% de fraîcheur sur Rotten Tomatoes, ce qui la place 29e à égalité avec le cimetière de Kolch et Widmeyer. Et 3 étoiles sur Allociné, ce qui la place 25e à égalité avec le cimetière de Marie Lambert, les vampires de Salem, les deux mini-séries Salem donc, Cœur perdu en Atlantide et Ça, chapitre 2. Ce cher Nick Andros, je suis contente de te voir. Entre donc, assieds-toi. Oh, Nick, ici. Tu n'es pas obligé d'utiliser la langue des signes. Ici, tu peux parler. Essaie. Comment tu t'en sors avec le fils de l'ombre? J'en ai très peur. Oui, il y a de quoi. C'est naturel. Il y a de quoi souiller son pantalon. Et je suis pas gêné de le dire devant le bon Dieu, hein? Qui êtes-vous? Je m'appelle Abigail Freemantle. Il y a des gens qui m'appellent Mère Abigail parce que je suis la personne la plus vieille qui soit encore là. Non, je veux dire, qui êtes-vous? Oh, je suis une vieille bonne femme à qui le Seigneur a choisi de parler de temps en temps. Je n'aurais pas forcément fait le même choix que lui, mais je n'ai pas eu voix au chapitre. Moi, je crois pas en Dieu. Ça lui est égal. Dieu croit en toi. Il a une tâche à te confier. Il veut que ce soit toi qui sois mon porte-parole. Vous rigolez? Et nous allons pouvoir passer à nos avis. Je te laisse commencer. C'était long. C'est un peu la phrase qui revient à chaque fois qu'on traite d'une série. Mais bordel, c'était long. À la base, il y avait 10 épisodes de prévu, mais la vache, déjà que 9, c'est beaucoup trop, et déjà que le 9e sert quasiment à rien, on y reviendra. Mais vraiment, il faut arrêter au bout d'un moment avec les épisodes qui durent une heure pour absolument ne rien raconter, ça suffit, quoi. Globalement, c'est une série, je trouve, qui effectivement se perd sur plein de détails totalement inutiles, qui oublie de développer ses personnages et qui du coup oublie, c'est qu'il ne réussit pas à faire de l'émotion quand il faudrait avoir de l'émotion. C'est une série où tout ce qui est réussi, c'est l'aspect technique. Vraiment, les effets spéciaux, je trouve, sont plutôt bien réussis. La photo est plutôt bien réussie. Mais tous les autres détails, aïe aïe aïe, ça ne va plus. Que ce soit, je trouve, le casting qui est un peu hésitant, le scénario qui se perd de partout et les longueurs bien trop présentes. Non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je suis globalement d'accord. Je trouve que dans les premiers épisodes, il y en a qui se tiennent mieux que dans les derniers. Ah bah, globalement, les deux premiers. Par exemple, au premier épisode, je trouve qu'il trouve pas mal son rythme, et le troisième aussi, dans mon souvenir. Pour moi, c'est à partir du troisième qu'on commence à se perdre. Le troisième, c'est inégal, mais je trouve qu'il a des bonnes choses, quand même. Le 2, il y a des moments, j'ai un peu plus de mal. Tout ce qui concerne Larry, j'ai eu un peu plus de mal, j'ai trouvé ça un peu longué. Mais bon, on y reviendra. Oui, on y reviendra, parce que l'épisode 2, c'est celui qui est centré sur Larry, et comment te dire que bon... Comment rendre un personnage détestable au plus haut point? Ouais. Le souci, c'est que c'est à la fois très long, et à la fois, je suis d'accord avec les retours qui disent qu'il y a beaucoup trop de sous-intrigues pour bien les développer. Il y a plein de choses qui sont pas suffisamment installées, des personnages entiers qui sont pas suffisamment installés, il y en a qui sont complètement sacrifiés, dont Ray Brentner et Nick, pardon. Oui. Ray, c'est au point que vraiment avant le 8e épisode, 7e épisode, quand elle et les autres se mettent en route vers Vegas, je ne savais même pas le nom de son personnage, en fait. Oui, parce qu'elle ne sert à rien. Je ne savais pas qui c'était. Elle ne sert à rien. Vraiment. Et Nick est très très secondaire aussi au final. Tout le camp de Flag, globalement, est assez mal développé. L'opposition entre Vegas et Boulder manque, pareil, d'installation. Donc, en fait, il n'y a rien qui est suffisamment développé. Et en même temps, lui, c'est régulièrement beaucoup trop long. Et régulièrement, on s'ennuie. C'est pas mal réalisé. Il y a même régulièrement des idées de réalisation, je trouve. Oui, il y a des idées de raccord, notamment. Ouais, c'est ça, dans le montage, notamment quand les épisodes sont encore non chronologiques, justement, ça trouve pas mal de bonnes idées de raccord. Mm. Mais ça suffit pas à relever l'intérêt, en dépit du fait que, également, c'est bien joué, notamment, Skarsgård fait un vraiment bon travail en Flag, je trouve. Ah oui, oui, clairement. En n'allant pas au plus évident, parce qu'il joue pas un Flag psychopathe, il le joue assez quotidien, avec un côté un peu blagueur, un peu plaisantin. Mais oui. Qui est assez éloigné du surjeu qu'on aurait pu attendre pour Randall Flagg. Il balance des répliques à des moments, c'est vraiment à mourir de rire. Ouais. Mais comme tu le dis, en fait, déjà l'un des soucis de tout ce qui est antagoniste, c'est que véritablement ils sont que deux, il n'y a que Lloyd et Flagg. Les autres ils sont tellement effacés que tu te demandes à quoi ils servent. Il y a un peu Julie. Ouais, mais vraiment un peu, quoi. Et encore, t'as l'impression qu'elle est là uniquement parce que Lloyd. C'est ça le problème. Ouais, oui, c'est vrai qu'à part la scène qu'elle a en compagnie de Nick et Tom quand elle les rencontre dans le passé, ça marche pas très bien, ouais. Bah non. C'est dans l'épisode 2. C'est dans quel épisode ? C'est dans l'épisode 2, ça, je crois. Ou 3, je ne sais pas. Non, c'est un peu plus tard, hein. Ça doit être au moins le 4. C'est assez tard pour développer Nick, je crois. Comparé aux autres. En fait, il n'y a pas assez de personnages côté antagoniste, il y en a trop côté protagoniste. C'est quand même un souci. Bah ouais, c'est un peu ça. Et du coup, les protagonistes, il y en a plein qui ressemblent à des sortes de figurants de luxe. Oui. Qu'est-ce qu'on fait ? On revient un peu épisode par épisode, du coup ? Ouais, si tu veux, on fait un déroulé par épisode. Ouais. Alors, en sachant que j'ai plus mes notes pour l'épisode 4, je les ai perdues en cours de route, je pense que j'ai oublié de faire entrer pour me les mettre dans mon suivi. D'accord, bah pas de soucis. Alors, l'épisode 1, pour résumer rapidement, donc il débute in medias res, comme tous les premiers épisodes. En fait, il est partagé entre des scènes à Boulder après l'épidémie et des scènes qui montrent les premiers temps de l'épidémie pour certains persos. Et donc l'épisode 1 va surtout suivre Stu Redman d'un côté, qui va être enfermé dans un centre de recherche après avoir été en contact avec un militaire qui avait l'épidémie. Et dont tout le monde va se rendre compte qu'il est immunisé et va chercher à comprendre pourquoi. Mmh. Et en parallèle, on suit Fran, qui est avec Harold, qui part sur les routes après que tout le monde dans la ville soit mort. Et à Boulder, on se rend compte que Stu et Fran se sont mis ensemble et que Fran est enceinte et que Harold a l'air très haineux envers tout le monde. Harold qui, dès le début, vraiment, est turbo-flippant. Tu te demandes comment Fran peut le suivre. Oui. Bah, à la limite, on sent qu'il s'adoucit un peu quand même. Enfin, qu'il fait semblant au moins de s'adoucir. Elle le suit parce qu'il n'y a que lui, hein, j'imagine. C'est un peu comme ça dans le roman, dans mon souvenir. Ouais, mais là, le problème, c'est que lui, il la stalk et bon, c'est impossible qu'elle ne soit pas au courant, quoi. Vu comment il la stalk. Oui, complètement. Avec les gamins qui le poursuivent et tout pour le tabasser. C'est genre toute la ville est au courant qu'il stalk tout le monde. Oui, mais elle le dit à un moment qu'il était déjà bizarre quand elle le gardait en babysitting. Oui, effectivement. Visiblement, Harold a toujours été étrange, mais je crois vraiment que dans le roman, c'est aussi le cas et que Fran espère qu'il s'adoucisse avec l'épidémie, qu'elle a un peu cette impression-là, justement. Oui. J'aime bien les caractéristiques physiques de la grippe, qui provoque des espèces de gros œdèmes au niveau du cou, chose qu'il n'y a pas dans le roman. Il me semble que dans le roman, c'est juste une grippe ultra-violente, mais il n'y a pas de transformation physique. Alors, j'ai pas vérifié les symptômes exacts, mais je crois qu'ils sont assez crades aussi, quand même, dans le roman, mais je sais oui, plus mais dans c'est... le détail. Oui, mais c'est tu vomis du sang, ce genre de détails, quoi. Mm-hmm. Il me semble pas que t'aies d'énormes œdèmes, mais en tout cas, ça rend plutôt bien. Ouais, là, ça assume assez bien le côté vraiment apeurant et sale de la maladie. Ça évoque un peu une peste. C'est ça, c'est vraiment dégueulasse. Ouais. Et ça permet du coup de rentrer aussi dans un détail plutôt important pour une série comme ça. Les effets pratiques, les effets spéciaux même en règle générale, et le gore sont plutôt bien réussis. Oui, ça effectivement, et ça y va plutôt à fond. Sur ce premier épisode, oui, je trouve que ça se calme un peu trop. Oui, ça se calmera après, ouais. Pour la suite de la série, mais en tout cas, oui, sur les premiers épisodes, ça se lâche. Mais oui, effectivement, je trouve le premier épisode plutôt bien rythmé, les personnages qu'on nous présente sont bien posés, voilà. Flag est montré dès le premier épisode aussi, mais de manière très énigmatique. On comprend que c'est une menace, mais on sait pas trop de quoi il s'agit exactement, et je trouve la manière qu'il est amené plutôt bienvenue. Oui, il apparaît que sur la toute fin du premier... Oui. Ouais. Et en plus, alors qu'il sera utilisé plusieurs fois, mais c'est l'intro de la chanson The Stranger de Billy Joel qui est utilisé comme thème musical pour Flag, et du coup c'est un des rares thèmes musicaux qu'on retient un peu dans la série. Le problème c'est que du coup c'est pas un thème original de la série. Non, mais bon. Voilà, c'est ce qui fait qu'au final, bon bah, l'OST, ouais. Enfin la BO est oubliable. Ouais. Alors à noter des petites références un peu cachées, des petits easter eggs que je trouve pas mal fait. Quand Harold reçoit une lettre de refus d'un éditeur au début, c'est une lettre de Cemetery Dance. Et Cemetery Dance, c'est une maison d'édition qui réédite pas mal d'éditions de luxe de vieux King. Et c'est là aussi qu'il a publié les trois Gwendy. D'accord. Enfin lui, il a écrit que le premier et le troisième, le deux est entièrement du co-auteur. Mais... Oui. Gwendy et la boîte à boutons, c'est ça? Ouais, Gwendy et la boîte à boutons, je sais plus, la dernière mission de Gwendy, la dernière tâche de Gwendy, le troisième, et j'ai oublié le deuxième, son titre. Qui sont des romans très courts. Les deux et trois, un peu moins, hein. Le 3, il atteint ses 300 pages, je crois. Ah oui, d'accord, c'est que le premier de King et de l'autre auteur, du coup, j'ai oublié le nom. Richard Schismar, et qui est aussi le... Je crois que c'est lui le patron de Cemetery Dance. Qui est plutôt court, ça fait une centaine de pages à peine, il me semble. Oui, c'est ça. Les deux autres sont un peu plus longs. Et aussi, dans la chambre de Harold, il y a une affiche, un poster de l'album In the Court of the Crimson King, de King Crimson. Et d'une part, ça peut être une référence au Roi Écarlate, qui est un antagoniste important de la Tour Sombre et qui est donc le patron du Randall Flag de la Tour Sombre. Oui. Et d'autre part, on entendra la chanson In the Court of the Crimson King dans un autre épisode quand Flag massacre quelqu'un dans l'ascenseur. Du coup, ça, je trouve ça rigolo, comme petit rêve. Ok. C'est des rêves bien placés, ça mange pas de pain. Ouais. Dans les bonnes idées du premier épisode, il y a les flashs radio qu'on entend, les flashs infos qui permettent de savoir un peu comment évolue l'épidémie, etc. Qui remplacent un peu les chapitres généraux du roman qui passaient beaucoup d'un personnage à l'autre. Oui, c'est ça. Premier épisode qui est constitué vraiment de flashbacks et de flash-forward. va d'une époque à l'autre. C'est pareil sur le deuxième épisode aussi, et après ça, c'est une mécanique narrative qui s'en va au fur et à mesure, mais moi je trouve qu'elle a été beaucoup trop employée en fait. Ouais, elle est aussi beaucoup dans le 3 pour le coup, encore. Ouais. Mais ouais, c'est... Bah en fait c'est une bonne idée niveau rythme, ça installe le rythme, ça permet de le garder, mais ça empêche de bien développer le côté boule d'air en fait, c'est un avantage et un inconvénient à la fois. Bah et puis du coup ça a également un autre inconvénient, c'est que t'as aucun enjeu. Oui, vu que tu vois des scènes d'un futur lointain, tu sais très bien qu'il ne peut rien arriver à certains personnages au moment où t'es dans leur passé. Ouais. Ça permet de se demander comment ils vont arriver là, mais effectivement, ça enlève un enjeu. Voilà, c'est ça. Et pour une série basée, justement, quand même, sur le côté suspense, bon, bah, c'est un peu raté de faire ça. Oui. Alors, c'est peut-être que moi, hein, mais j'ai trouvé que le scientifique avec qui Stu devient pote dans le centre, je trouve qu'il ressemble à François Ruffin, voilà. Non, c'était pas que toi. D'accord, on est d'accord. Je l'ai eu aussi. Bon, bah, écoute. Je me suis dit, ah, changement de carrière. Ah bah, il a fait du cinéma, hein, François Ruffin. Je savais pas qu'il avait fait ça, mais il a fait quelques films. Il en a fait, mais c'était plutôt du documentaire, en général. Ouais. Merci, patron. Ouais. Et dans les très bonnes scènes du premier épisode, il y a toute la confrontation, entre guillemets, avec le général à la fin, donc celui qui... Et justement, joué par J.K. Simmons, je trouve que la scène est très belle. Oui. Et puis lui, bah, putain d'acteur, quoi. Oui, voilà, il est impeccable. Il apparaît 10 minutes dans toute la série, mais il est impeccable. Voilà. Donc, premier épisode, voilà. C'est, en plus, bah, ça va faire comme dans le roman. Hein, les réserves qu'on a sur l'évolution de l'intrigue dans le roman, vous allez voir qu'on les retrouve ici. Et dans ce premier épisode, on a déjà des rêves de Mère Abigail. Oui. Mais ça s'arrête à peu près là. L'épisode 2 va reproduire à peu près le même mécanisme, à savoir suivre des groupes dans le passé et les montrer aussi dans le présent, même si ça passe déjà un peu plus de temps dans le présent à boule d'air que le précédent. Là, ça va suivre principalement d'un côté Larry et Lloyd. Et même pas tellement Nadine et Joe, puisque eux, ce sera plutôt dans l'épisode 3 où on verra leur passé. Lloyd, il est présenté dans une séquence de braquage plutôt fun, voilà. Oui, effectivement. C'est pas inintéressant, cette manière de poser le personnage de Lloyd comme étant un espèce de baltringue qui sait pas ce qu'il fait. Je trouve que ça marche pas mal. Ah oui, clairement. Avec l'autre, celui qui, du coup, organise le braquage, qui shoot accidentellement dans la tête de la nana parce que bah il a la grippe. Donc il éternue. C'est complètement con. Oui, le gore de cette scène est plutôt rigolo, ouais. Ouais. Ça fait partie des moments où je me dis que la série aurait pu être intéressante si elle avait continué à jouer un peu sur ces changements d'ambiance, etc. Le côté Larry, par contre, c'est longué. C'est longué, et puis c'est problématique sur plein de points, quoi, parce qu'en fait, c'est un gros connard. Oui, mais ça, à la limite, c'est un gros connard, Larry, de base. Oui, mais du coup, là... Je me souvenais pas qu'il était aussi connard que ça dans l'œuvre originale. Ah oui, si, pour le coup, si, c'est à ce point-là. C'est juste que dans l'œuvre originale, il a 1000 pages pour évoluer, tandis que là, ça va se faire beaucoup plus par à-coup. Voilà. Mais si Larry, normalement, s'il devient aussi actif, après, c'est en grande partie à cause de la culpabilité, à cause des saloperies qu'il a fait. Du coup, là, envers Rita, dans cet épisode-là. Oui, Rita, envers sa mère, envers beaucoup de monde, en réalité. Ouais, mais là, c'est compliqué. Là, en fait, les saloperies vont trop loin. Il abandonne à son sort une nana alors qu'ils sont en train de se faire poursuivre par deux gars qui veulent la violer, tout simplement. Oui. Faut dire les termes. Comment tu veux avoir de l'empathie pour un personnage comme ça après? Moi, j'en ai plus. Vraiment pas bien géré, ouais. Moi, clairement, à partir de ça... Et en plus, il la laisse partir, donc il l'abandonne. Et en plus, il sort la phrase « J'aurais dû accepter le million que les mecs lui proposaient pour lui laisser la nana. » Donc là, c'est bon. En fait, il est conscient de ce qu'il fait et il l'approuve. Bon, bah, à partir de là... Ouais, je suis assez d'accord. Il n'y a pas assez de développement de personnage pour le faire aussi connard sans pouvoir le faire bien évoluer par la suite, quoi. Y a quelques belles scènes, notamment quand il traverse l'espèce de boyau d'égout. De boyau d'égout inondé. Ça, c'est plutôt une belle scène, je trouve. Avec une vision du cadavre de sa mère qui flotte et des rats qui lui sortent de la bouche, ouais, c'est un vrai moment horrifique pour le coup, c'est vraiment bien amené. Ce qui est pas mal géré aussi, et pour le coup pas plus montré que ça, c'est l'admiration que Larry a pour Harold, parce qu'il a été guidé à boule d'air grâce aux mots que laissait Harold au fur et à mesure. Oui. Et du coup qu'il admire Harold quand il le rencontre, mais que Joe, lui, par contre, l'enfant, est tout de suite très mal à l'aise. Ça, je trouve que c'est un aspect de l'intrigue pas trop mal géré dans son exposition rapide. Je suis d'accord. Les rêves de Flag, toi, t'en as pensé quoi? Enfin, ceux qui rêvent de Randall Flag dans cette espèce de décor de Vegas, que ça revient plusieurs fois. Bah déjà, je trouve le décor plutôt réussi. Ouais, il est à la fois énigmatique, inquiétant, et plutôt bien mis en valeur via la photo globale. Et puis les rêves, en tant que tels, sont eux aussi très, très étranges, tu sais, il y a une ambiance très apocalyptique qui vient de tout ça, et tu sais pas trop encore ce que veut Flag, finalement. Et t'es autant intrigué que apeuré, en fait, de ce qu'il pourrait faire. Même si toi, en tant que lecteur du roman, tu sais son but, mais c'est pas le cas de tout le monde. Bah, et puis Flag, encore une fois, c'est à partir de cet épisode qu'on va commencer à voir vraiment les traits Flag. De Skarsgård. Ouais. On le voyait vite fait dans le premier, mais c'était tout. Et là, il va commencer à avoir des scènes et il marche très bien. Notamment toute la partie Lloyd. La partie Lloyd, je la trouve pas mal gérée avec la prison qui vire dans le chaos et lui qui doit se résoudre au cannibalisme. C'est pas mal géré et je trouve toute sa scène avec Flag vraiment très cool. Ouais, avec le badge de Flag qui lui fait un clin d'œil quand il arrive. Ouais. C'est le petit détail rigolo. Et puis il joue avec lui, hein, avant de le laisser sortir. Ah bah oui, oui. Il lui fait bien comprendre, attention, que c'est lui le chef, quoi. Oui, c'est ça. Mais donc, encore une fois, ce deuxième épisode a des hauts et des bas, et ça va se poursuivre sur le reste de la série avec de plus en plus de bas, hélas. Ouais. Bah, on arrive avec le troisième épisode, et là, ça commence déjà à chuter. Hein. Hormis la scène d'ouverture de l'épisode, je trouve, donc qui est la scène d'enfance de Nadine. Ils font le jeu du Ouija avec des copines à elle, et ça part légèrement en couille, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Elle se rend compte donc qu'elle est déjà promise à Flag, et donc on découvre à cette occasion que Nadine, effectivement, est une servante de Randall Flag, infiltrée, au final. Ouais, via la planche qui lui écrit tout ça sur le sol. Et la scène, pour le coup, je trouve, est très réussie et vraiment flippante. Ouais. Il y a une vraie ambiance qui s'en dégage. Alors, effectivement, c'est dans cet épisode qu'on a Nick. Je viens de revoir dans mes notes. À noter que pour l'instant, on n'a jamais vu le visage de Mère Abigail encore, hein, à ce stade de la série. On en a entendu parler, mais on n'a pas vu son visage. C'est que les personnages font des rêves communs. Ouais. On a vu Nick vite fait dans Boule d'air, mais on n'a pas eu d'informations sur lui. Et c'est là qu'on va le découvrir un peu. Et ses flashbacks sont pas mal en plus à Nick, c'est ça qui est un peu dommage. Bah pour le coup, lui a un vrai passif un peu émouvant, quoi. Il y a vraiment un truc qui est développé autour de lui. La scène dans le bar où il se fait agresser parce qu'il se rend pas compte qu'on était en train de le provoquer, elle marche. Sa rencontre avec Tom Cullen, je trouve qu'elle marche très bien. Avec Tom qui sait pas lire et qui met très longtemps à comprendre que Nick n'entend pas. Et de toute façon, Tom Cullen, je trouve, est peut-être l'un des personnages les plus réussis de la série. Oui. C'est dommage. Pourtant, on le voit pas beaucoup. Oui. Voilà, c'est ça. Il y a la confrontation entre Flag et Nick. Le moment où, du coup, il perd son œil. Oui, et où Flag lui propose de le retrouver, de le soigner et tout et tout. Bon moment de tentative de corruption par Flag. C'est ça, et c'est aussi le moment où du coup on se rend compte que Nick, lui, est incorruptible et fait vraiment partie des forces du bien absolues, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est d'autant plus frustrant qu'après le personnage passe autant en retrait que il est bien posé, Nick. C'est ça. Ça c'est vraiment dommage, oui. Il y a là, pour le coup, l'arrivée de Joe et de Nadine, donc leur rencontre en route dans le passé, quand Larry est en route vers Boule d'air. Et c'est pareil, je trouve que ça marche pas mal, et Joe sera aussi un personnage plutôt sacrifié dans la suite de l'intrigue, alors que je le trouve assez intéressant en réalité. Bah oui, avec les espèces de petits pouvoirs psychiques qu'il semble avoir, qui au bout d'un moment passent totalement à la trappe, on est d'accord. Ouais, et puis même le fait qu'il arrive à communiquer avec Larry, à créer une unité avec lui via la musique. Ouais. C'est aussi l'épisode où Stu et Glenn, je se crois, rencontrent, ouais. Se rencontrent et également rencontrent Harold et Fran. Oui. En fait, c'est l'épisode où quasiment tout le monde se rencontre, hein, celui-là. Oui. Où les petits groupes commencent à se monter pour finalement se retrouver sur la fin à boule d'air. Même si la première fois qu'il rencontre Harold et Fran, Stu est obligé de repartir parce que Harold veut pas du tout lui. Il devient totalement jaloux et parano. Oui, oui. J'ai noté la phrase que Stu prononce la première fois qu'ils se rencontrent. Harold est en train de pisser contre un mur et lui sort « L'avantage de l'apocalypse, c'est qu'on peut pisser où on veut. » C'est alors, vrai oui, que c'est certes. Pas la meilleure phrase pour une rencontre. Certes, oui. Paye ton avantage, quoi. Oui. Bah, et puis paye ta manière d'aborder les gens. Moi, là, j'ai l'impression que le mec, c'est un vieux pervers qui va vouloir faire autre chose que pisser après. Alors, monsieur, on sort son engin pour arroser la nature. Il pourrait attendre qu'il ait fini, quoi. Enfin, je sais pas, t'abordes pas un mec en train de pisser, Apocalypse ou non. J'avoue. Et donc, c'est l'épisode où on voit Abigail aussi pour la première fois. Oui, là, on va découvrir le visage d'Abigail bah, via Nick, vu que Nick est plus ou moins le messager officiel de Mère Abigail. C'est comme ça qu'on va découvrir son visage. C'est lui et Tom qui la rencontrent les premiers, parce que c'est les deux premiers à arriver à Boulder. Ouais. De son côté, Glenn, pour le coup, donc on le rencontre, et je trouve que c'est pas un mauvais perso, mais pareil, il va pas être assez développé, alors que normalement, c'est intéressant tout ce qu'il amène sur ses doutes, sur le pouvoir d'Abigail, sur le fait d'avoir un pouvoir très autoritaire, finalement, de droit divin. C'est un personnage très philosophe. Oui, c'est ça. Et c'est plutôt ça, finalement, qui le rend intéressant. C'est un peu, j'allais dire, un post-68-art, mais c'est pas le cas parce qu'on est aux États-Unis, mais c'est le mec qui a dû faire les manifs contre la guerre du Vietnam et tout, il a un peu toute cette ambiance, Glenn. Oui, oui, oui. Bah, du coup, ça contredit le fait qu'il appelle son chien par un nom de policier célèbre de la télévision, mais bon. Oui, mais c'est peut-être pas fait exprès. Parce que son chien s'appelle Kojak, hein, il faut quand même le dire. C'est quand même incroyable, comme nom de chien. Kojak, quoi. Ouais. Donc une série diffusée sur la CBS aussi. Hein. Que je n'ai pas vu Kojak, comme c'est pour ça. Moi non plus, je n'en ai jamais vu. Ce que je sais, c'est que ça a duré très longtemps. Parce que du coup, en me renseignant, j'ai vu que ça avait duré 118 épisodes. Je me suis dit, oula. Ah oui, quand même. Ça dépend de la longueur des saisons, mais c'est peut-être pas plus de 5-6 saisons au final. 6 saisons. On faisait des trucs de 20 épisodes quasi à une époque. 6 saisons. Mais c'est des épisodes qui duraient entre 48 minutes et 1h30. La vache. Oui, voilà, c'est ça le truc. 1h30. Ah oui, c'est du format un peu Columbo en réalité. Ouais, voilà, ils ont fait des épisodes téléfilm. Ouais. Voilà, c'était la parenthèse Kojak. Et dans le présent, il y a aussi toute la scène avec le crucifié dans cet épisode. Enfin, le mec qui a été visiblement crucifié à Dallas. Et que Flag a laissé vivre et envoyé porter un avertissement à Mère Abigail. Oui. Et c'est là que j'ai un peu les problèmes, c'est que Dallas, on l'a pas du tout vu pour le moment. Oui. Alors pourquoi pas, à la limite, la découvrir via ce messager, mais on n'aura jamais d'installation véritable de Dallas. On va commencer à la voir dans les épisodes suivants, mais ça aura jamais été bien installé comme endroit. C'est très bizarre, surtout comme move. Je ne sais plus, je t'avoue, comment Flag fait pour communiquer avec le camp d'Abigail. Bon, il en prend possession, plus ou moins. Hein, il prend possession du crucifié. Quand Mère Abigail vient le voir, ouais. Que c'est vraiment... Mais je pense que dans le roman, ça m'avait paru bizarre aussi comme move. Je sais pas, t'es une entité du mal, tu veux faire... normalement, tu veux agir de manière discrète. Tu vas pas hurler ta présence aux forces du bien. Eh oh, c'est moi, je suis là. Après, c'est un peu la caractéristique de Flag, pour le coup, de chercher la confrontation directe, de vouloir montrer clairement la lutte du bien contre le mal et la victoire du mal. C'est pas faux. C'est pas faux. Et à la limite, je crois que l'objectif, c'est aussi d'essayer de faire peur. T'envoies un type crucifié et t'en prends possession... au milieu de gens plutôt normaux, où leur leader, c'est objectivement une petite vieille qui dit que Dieu lui parle, bon, c'est vrai que ça impressionne. Oui, c'est vrai. Même si, bon, que ce soit dans la série dans la première adaptation ou dans celle-là, au final, lui-même, c'est juste un mec tout pérave auquel le diable parle. Parce que bon... Ça va un peu être le souci de Flag, c'est qu'il est censé avoir des énormes pouvoirs, il est installé comme ça, et à terre... Finalement, c'est un pétard mouillé, quoi. Ouais. On en reviendra quand on arrivera sur la fin, mais mon dieu, ouais. Quoi. Mais ça, c'est un défaut qui est effectivement déjà dans le roman. Le Flag de la Tour Sombre est bien mieux. Il va vraiment falloir que je lise la Tour Sombre, enfin, en tout cas, que je continue, puisque j'avais lu que le premier tome. Oui. Oui, mais ça va te prendre du temps, pour le coup, là... Oui, c'est vrai. C'est une mission au long cours. C'est un peu long. T'auras qu'à le lire à la petite pour l'endormir. De toute façon, ça comprend rien les premiers mois tant que t'adoptes une voix douce. Oui, voilà, c'est ça. Tu peux lui lire n'importe quoi. C'est ça. Ça marchera. Et là, il l'éventera de manière brutale. Et la gamine en chantonnant avec une petite berceuse à côté. Vaut mieux pas que ce soit moi qui prenne la parole. Bien sûr que si. C'est vrai, c'est toi qui as le plus de charisme. Vous dites ça parce que vous voulez pas le faire non plus. Ça devrait être Glenn, il est bien plus intelligent que moi. Alors peu importe ce que je vais dire, ce sera juste une version réchauffée de ce qu'il m'aura dit. Calme-toi, cowboy. J'apprécie ta confiance, mais tu fais fausse route. Toutes ces personnes veulent être sûres que ça va aller. Le messager... Merci. Le messager est bien plus important que les mots qui sortent de sa bouche. Les gens ont vraiment peur, chérie. Ils ont besoin d'être rassurés. Qu'est-ce qu'il y a de rassurant chez moi ? Les cow-boys, c'est rassurant. Elle a raison. Alors ça, c'est un cliché. Ouais, un tout petit. Je comprends, oui. Ce gars est même pas foutu ouais. De nous dire si ce putain de courant sera bientôt remis en route. Rappelle-moi lequel de nous a le plus d'expérience devant une foule. On existe, ouais. Réponse. On fait tout ce qu'on peut, mais écoutez... Wow. Monsieur Impening, tout le monde, s'il vous plaît. Monsieur Impening. J'ai beaucoup de respect pour la ferveur dont vous faites preuve, mais comme vous le savez, un tas de personnes ici présentes travaillent sur cette centrale électrique du matin au soir, tous les jours. Et je suppose qu'elles accepteraient volontiers que vous leur donniez un coup de main avec autant de ferveur. Ça vous dit ? D'ailleurs, je voudrais que toutes ces personnes se lèvent. Allez, debout, que tous ceux qui bossent sur la centrale se lèvent, s'il vous plaît. Voilà. Donc on passe à l'épisode 4. Oui, celui où je n'ai pas de notes. Ouais, je le rappelle. Alors l'épisode 4, c'est celui qui débute sur le comité... qui se réunit en public. Ah oui. Qui est entrecoupé de flashbacks sur la préparation de la réunion du comité, où on se rend compte qu'ils sont pas très chauds à l'idée de devenir les responsables de la ville. Oui, c'est Harold qui va les pousser, finalement. Oui, c'est ça, parce qu'il a déjà son plan de les tuer tous en même temps à l'avenir, oui. J'imagine. D'ailleurs, Franz sent qu'il y a un coup foireux, hein, là, pour le coup... Et toute cette scène du comité, je la trouve vraiment pas mal faite, pour le coup. Le début de l'épisode, je trouve qu'il marche vraiment assez bien. Ça évoque les différents problèmes, les trucs de ramassage des corps, le comité de surveillance... Bah, pour le coup, c'est vraiment une réunion qui pourrait réellement exister dans un monde post-apocalyptique. Oui. Et il y a des bonnes idées. Stu qui a du mal à parler au début et Larry qui doit aider à gérer la foule, tout ça, c'est plutôt bien mené. Oui, parce que Larry, via sa carrière, lui, a plus l'habitude de s'exprimer comme ça en public, voilà. Oui, voilà, c'est ça. Ça joue bien sur les caractéristiques de chaque personnage à ce moment-là. Bah, c'est ça, c'est un des quelques moments où, justement, ça utilise bien ça, ce qui n'est pas si fréquent. Mm. Pendant ce temps, il y a, dans le présent, en tout cas, pour la partie dans le présent, parce qu'il y a encore des flashbacks dans cet épisode, il y a Nadine qui se rapproche d'Harold... En lui promettant du cucu, hein, globalement. Oui, globalement, c'est ça, oui. Voilà. Mais en couchant jamais avec, parce qu'elle doit se préserver pour Randall Flagg. Alors ça, à la limite, c'est Randall Flagg qui le lui impose. Donc, c'est pas un message conservateur. C'est Randall Flagg qui est un connard. Hein. Oui, donc, voilà. Voilà, on va le prendre comme tel. Mais ça reste un peu basique, on va dire, comme manière de convaincre Harold. Oui, on est d'accord. Même si je suis mitigé là-dessus, parce que Harold, il y a un gros côté incel qui est développé chez lui dans cette version-là. Ouais. Et du coup, ça rend pas le personnage... Ouais, mais Harold n'est pas censé être un personnage sympathique. Oui, mais bon, pas obligé non plus d'accentuer des traits horribles. Donc à la limite, en faire un incel, je trouve que ça peut être pertinent comme manière d'interpréter le personnage de façon plus moderne. Après, c'est pas toujours très bien fait, mais bon... Tu sais, c'est un peu... Il y a pas mal de cas où ça a l'air d'être des sacrés clichés, quand même. Hein. Oui, c'est vrai, donc, c'est pas faux. Je sais même pas s'il est si irréaliste que ça. Heureusement pour moi, je n'en connais pas dans mon entourage. Non, dans mon entourage non plus, mais bon... je suis présent sur Twitter encore, donc forcément. C'est vrai que tu es encore sur cette chose. Ouais. Je passe de plus en plus sur Blue Sky, surtout que maintenant il y a vraiment plus de monde. Ah oui, voilà. Est-ce que c'est c'est dans cet épisode-là aussi où Tom, Nick et Nick rencontrent Julie? Oui, c'est ça. Qui fait full n'importe quoi. Oui. Ouais, qui se moque de Tom et du coup Nick décide de partir sans elle et elle les poursuit avec un fusil. Et pareil, ça aurait pu être un personnage rigolo, Julie, si elle avait été plus présente après, mais elle va devenir très vite très secondaire. Donc. Oui, totalement secondaire même. Ouais. Elle est écrite vraiment comme une Harley Quinn post-Suicide Squad. C'est complètement Harley Quinn, ouais. Bah, sauf que Harley Quinn est censée être ambigu sur est-ce qu'elle est gentille ou méchante, tandis que Julie est purement mauvaise. Oui, elle est full, full psycho. Mais oui, elle a un gros côté Harley Quinn. Parce que l'épisode d'après, justement, on les voit tous les deux réunis, elle et Nick. Et dans mes notes, pas Nick, elle et Lloyd. Et j'ai noté, Harley Quinn et le Joker façon Wish. Monsieur J. c'est vraiment les deux, c'est pareil. C'est aussi dans cet épisode que Harold et Fran, dans le passé, tombent sur l'embuscade du camionneur avec tout son propos de Mal Alpha, là. Ah oui. Bon, finalement, il se fait tuer et il y a plus de personnages qui se réunissent pour aller trouver Mère Abigail, dont une qui, techniquement, sera importante par la suite, Dana, vu que ce sera une des espionnes envoyées dans le camp de Flag. C'est dans cet épisode, d'ailleurs. Oui, c'est elle qui tue le camionneur, du coup. C'est elle qui finit par le tuer, ouais. Il y a une bonne tension sur cette scène-là. Oui, elle est peut-être un poil longue, quand même. Oui. Mais il n'y a pas une mauvaise tension, ouais. La tension fonctionne bien à partir du moment où il commence à s'en prendre à Harold. Même si on a un peu envie de dire à Dana, bof, attends un petit quart d'heure de plus. Oui, voilà, comme ça, ah, c'est ça. Fait une pierre deux coups, quoi. Voilà. Dans le présent, c'est l'épisode où Nadine et Harold volent les explosifs pendant que toute la ville est réunie pour le rétablissement de l'électricité et qu'ils sont surpris par Teddy, un homme des nettoyeurs de cadavres avec qui Harold commençait à devenir pote. Ça, à la limite, c'est pas mal parce que c'est le dernier lien qui aurait pu raccrocher Harold à Boule d'air qui se fait éliminer. Oui, c'était son dernier lien d'humanité, même carrément. Oui. Après ça, il n'en a plus. Ouais. Il n'a plus que Nadine, mais vu que Nadine est légèrement contrôlée par Flag, bon bah, c'est foutu quoi. À noter quand même que donc les trois espions sont choisis. Ce seront Dana, vieille juge Ferris dont on n'a rien à faire parce que on l'a jamais vue avant et qu'on la reverra à l'état de cadavre après. Voilà. Et Tom. Et Tom Cullen. Tom Cullen parce que c'est suffisamment inattendu vu que personne ne s'attendrait à ce qu'on envoie Tom Cullen en espion. Oui. C'est exactement les mêmes raisons dans le roman. Oui. À noter que quand l'électricité est rétablie, Larry joue l'hymne américain à la guitare. Moi, je pense qu'à ce moment-là, je pars à Vegas. Hein. Ah oui. Il y a eu 3 mois sans musique, sans électricité. Le premier truc qu'on me joue, c'est le putain d'hymne américain. Je me barre pour Vegas, rien à foutre. Hein. Ah oui, voilà. Au moins, là-bas, c'est sexe, rock et... Ouais. Et justement, épisode 5, on découvre... vraiment Dallas, parce qu'on va voir avec Dana qui essaie de s'intégrer. Tu te rends compte qu'il faut attendre plus de la moitié de la série pour voir l'environnement des antagonistes, c'est quand même chaud, quoi. Ouais. Bah, si ça avait suivi l'ordre chronologique, ça aurait été le cas aussi, j'imagine. Je sais pas. Après, on aurait pu voir l'installation de Dallas, s'ils avaient fait l'ordre chronologique, ça aurait pu être intéressant. Ah oui. T'en as pensé quoi de la représentation de Dallas, toi ? Je trouve que tout fait over the top, mais over the top dans le bon sens, en fait. Je trouve ça fun, ce qu'ils en ont fait. Cette espèce d'énorme bâtiment qui réunit tous les péchés capitaux, limite. C'est ça, en fait. C'est trop, mais c'est à l'image de Randall Flagg, finalement. Oui, je trouve, et je pense que c'est un peu volontaire, il y a un gros côté Donald Trump... Ouais. Chez Flag et notamment l'univers qu'il développe, parce que Donald Trump a été un peu comme ça, une espèce de figure emblématique d'endroits comme Dallas. Donc je pense que c'est volontaire, en faisant le fléau à la fin des années 2010, d'avoir cette référence. On est d'accord. Donc ça, effectivement, ce côté over the top et Trumpiste de Dallas marche, À côté de ça, j'ai plus de réserves sur certains aspects, ben, notamment sur l'aspect en fait Dallas lieu de débauche, parce que j'ai l'impression qu'il y a une opposition basique qui se met en place entre Dallas où il y a un côté très punk dans les personnages et dans les dans l'apparence des personnages. Il y a tout un côté sexe, mais qui me paraît mélanger des trucs un peu chelous. C'est-à-dire, oui, il y a clairement du viol et clairement de l'esclavage sexuel. Donc ça, clairement non. Mais à côté de ça, Dallas, ça a aussi, aussi l'air d'être l'endroit où il y a des plans à trois et des trucs consentis qui sont juste pas du couple hétéro cisnormé. Et tout a l'air mis un peu sur un pied d'égalité comparé à Boulder, où on voit des gens très propres sur eux. Et a priori, tous très hétéros. Alors, je pense pas du tout que ce soit volontaire et que ce soit le propos de la série, mais du coup, j'ai vraiment l'impression que dans les trucs négatifs de Dallas, il y a toute une esthétique punk et LGBT qui ne se retrouve pas à Boulder, et ça, ça fait un peu chelou. C'est très bizarre, je l'avais pas... tu vois, je l'avais pas enlevé. Vegas, c'est vraiment le lieu de la débauche et de la culture underground et queer codée. Et bah, ce deuxième aspect, en 2019-2020, aurait dû être géré différemment, je pense. Ouais, effectivement. Je ne l'avais pas relevé. Mais je pense que c'est involontaire. Hein. Je pense que le but, c'était de montrer la fête à Vegas. À Vegas, pardon, oui. J'en dis Dallas depuis tout à l'heure. À Dallas. Vegas. Il voulait montrer l'aspect festif, les gens qui s'envoient en l'air, les gens qui prennent leurs pieds, le no limit, quoi, en fait. Oui, c'est ça. Mais le décor est joli. Hein. Le décor est vraiment cool, pour le coup. Il y aura quasiment qu'un décor dans la ville. On verra quelques extérieurs sur d'autres épisodes, mais ça se passe quand même en très très grande partie dans le palace de Flag. Et il est vraiment bien géré. On sent qu'il y a toute une société qui s'est mise en place avec ses combats de gladiateurs tout en bas. Enfin, ça, c'est plein de très bonnes idées. Dans la piscine. Ouais, c'est ça. Donc, sur tout cet épisode, il y a Dana qui va essayer de s'intégrer petit à petit en demandant à voir Flag et en devenant proche de Lloyd, notamment. Mmh. Bah, le souci, c'est que Dana, on s'y est pas assez attaché pour s'intéresser à vraiment à son destin ou à sa survie, en tout cas. C'est ça. En fait, on l'a vu, elle était aux prises d'un psychopathe camionneur et puis... On la revoit, elle est envoyée au casse-pipe. Et comment ça? Ouais, voilà, c'est ça. Il manque des étapes intermédiaires. Et du coup, sa mort ne marche pas particulièrement bien. Et puis, moi, je trouve que Tom, c'est pas clair pourquoi ils l'ont envoyé. On sait pas trop, il est là, il fait des trucs, il semble totalement perdu, quoi. Bah, au final, on sait pas trop ce qu'il peut voir, vu qu'il passe son temps dans les caves à nettoyer des cadavres. Ah oui, c'est vraiment pas clair, quoi. Mais ça, dans mon souvenir, c'est vraiment le cas aussi dans le roman. Hein. Au final, toute la sous-intrigue des espions est clairement sous-exploitée. Vu que tout finit par une grosse explosion, de toute façon. Oui. Donc là, c'est le souci, c'est que la série, globalement, adapte quand même assez fidèlement le roman, en supprimant plein de trucs, bien entendu, mais adapte assez fidèlement le roman, et donc ça va en retrouver toutes les scories. Bah oui. Notamment, quand même, c'était déjà un défaut, enfin un souci... dans le roman, pourquoi avoir gardé cette équipe, cette intrigue d'espions chez un antagoniste omniscient? C'est complètement con. Bah, à la limite, ils sont censés pas savoir qu'il est omniscient et il perçoit pas Tom, justement. C'est un peu son problème. Il y a un des trois espions qu'il ne perçoit pas. Oui, voilà. J'ai quand même l'impression qu'ils ont l'air plus conscients dans cette adaptation-là que dans la précédente et même que dans le roman, que le mec semble pas être normal, quoi. Bah, ils ont eu un bon avertissement quand même, effectivement. Avec il y a eu des avertissements, ouais. Certains le voient en rêve. Ils ont quand même l'air plus conscients que le mec a des pouvoirs, quoi. Oui, mais peut-être qu'ils se disent que des espions perdus dans la masse, il n'arrivera pas à les percevoir. À la limite, je veux bien comprendre le pourquoi de l'envoi des espions. Le souci, c'est que comme cette sous-intrigue ne va nulle part, elle va pas faire grand-chose d'autre que de gâcher du temps. Ah, parce qu'en plus, ça ne sert à rien. Ouais. Même si pour le coup, la scène avec Dana, sa confrontation avec Flag, je trouve qu'elle marche plutôt bien. Ouais. Mais toutes les confrontations avec Flag fonctionnent bien. Donc, Oui, bah, encore une fois, son décor est cool déjà, son espèce de bureau en haut de la tour. Oui. Probablement au 121e étage. Ça marche vraiment bien et puis il joue très bien, encore une fois. Hein. Rien que sa présence fait beaucoup pour les scènes où il est. Oui, clairement. Et donc, effectivement, Dena se suicide pour ne pas révéler à Flag le nom du troisième espion qu'il ne perçoit pas, ce qu'elle fait aussi dans le roman. Voilà. Et elle se suicide d'une manière vraiment dégueulasse. C'est encore pire dans le roman. Hein. Normalement, elle défonce une des vitres et elle s'égorge sur les bouts de verre. Ah oui, elle se jette sur les bouts de verre. Bah là, tu me diras, elle pète finalement, une bouteille. Finalement, elle le fait à la bouteille, ouais. Voilà, elle se plante un tesson de bouteille dans la gorge. Au oui. final, c'est pareil. Disons que oui, c'est plus impressionnant dans le roman, on va dire. Ouais. Du côté boule d'air, bah, y a Mère Abigail qui voit un loup dans un rêve et qui va partir. Et il y a le dîner de Harold chez Fran et Stu, pendant que Larry fouille sa maison et ne trouve rien. Ouais, c'était un mercredi, je crois. Ça devait être un mercredi, certainement. Bien malsain, hein, le dîner. En même temps, quand t'as Harold à table, qu'est-ce que tu veux que ce soit ? Oui, c'est pas faux, ouais. Là, pour le coup, je trouve que la tension fonctionne pas trop. Avec Harold qui est donc chez Stu, et pendant que Larry est en train de farfouiller, je comprends ce qu'ils ont voulu faire, mais je trouve que ça fonctionne pas en termes de tension. Tu sais, le moment où Harold est sur la route et Harry sait pas qu'il lui, il va revenir. Ouais, bah la maison est pas immense, du coup, il peut pas être vraiment piégé dans une maison comme ça, j'ai l'impression. Ouais, et puis le montage n'est pas assez stressant, en fait, je trouve. Ouais. Tu vois, et puis le seul blocage, c'est qu'il y a une porte fermée, quoi. À peine sorti de chez Stu, hop, il y a apparemment de travail de montage, il est directement devant chez lui, en train de rentrer, quoi. Ouais. Peut-être qu'il habite juste à côté, je ne sais pas. Mais dans ce cas-là, il fallait faire rentrer à pied avec un montage alterné de lui qui rentre, Fran qui s'affole parce qu'elle peut pas contacter Larry qui semble s'en battre les couilles, qui continue son truc, voilà. Oui, c'est pas assez développé dans l'alternance du montage, et ce qui est d'autant plus ironique que les premiers épisodes jouaient pas mal du montage alterné entre passé et présent, ouais. C'est ça qui est dommage, mais bon, tant pis. Hein. Oui. On voit encore un peu de Joe dans cet épisode qui est de plus en plus méfiant envers Nadine parce qu'il comprend bien qu'elle est du côté de Flag. Mais pareil, ça commence à être sous-développé, ça, et le personnage va de plus en plus passer à la trappe, hein, petit à petit. Ouais. Même si c'est lui qui, au final, va faire en sorte que Larry comprenne que Nadine, bon, elle est pas claire. Ouais. Au moment où il va le dire, finalement, le personnage a été tellement si peu exploité que t'as l'impression que ça sort de nulle part, quoi. Ouais, c'est ça le problème. Je crois que c'est au prochain épisode où il l'avertit. Oui, parce que c'est un peu avant l'explosion de la bombe, donc oui. Il lui dit, il y a deux Nadine. Il y a maman Nadine et Nadine toute seule. Ouais, et Nadine Morano. Ah la vache. Donc on arrive à l'épisode 6. On arrive à Ezra Miller. Voilà, oui, effectivement, l'épisode commence sans avertissement sur la poubelle. Ah ouais, mais bon. Y a pas de trigger warning, hein, putain. Ouais, non, là... Ouais. Dans une scène qui est aussi dans le roman, celle où il monte après l'espèce de baril et où il se pète la gueule, là, enfin voilà. Oui. Une scène qui est aussi dans le roman. Pour le coup, ça nous épargne l'interminable parcours de la poubelle dans le roman. Je rappelle que c'est un chapitre qui fait facilement une centaine de pages sur ce personnage-là. Et il est très pénible. Au moins là, on le verra très peu. À la place, vous avez Ezra Miller qui se branle de dos. Voilà. C'est super. Ouais. Choisissez votre camp. Ouais, ça, le nombre de personnes qui ont dû voir Ezra Miller se branler sans en avoir demandé. Ah oui. Encore une fois, on en vient. Ouais. Du coup, Flag lui dit, enfin, le convoque à Dallas, et à Dallas l'invite à aller récupérer une ogive nucléaire dans un centre militaire. Excuse-moi, mais là, pour le coup, l'apparition de Flag, elle est vraiment pas finote, quoi. Il apparaît... En vision à Ezra Miller, il lui apparaît sous forme de faucheuse, quoi. Ouais. Sérieusement. Ah, écoute, il aimait bien le costume. Non, mais la subtilité, quoi, au secours. Et alors ça change par rapport au roman, pour le coup, ce qui entoure l'ogive nucléaire, parce que dans le roman, pour résumer, en fait, à un moment, à Dallas... La poubelle avait une espèce de crise psychotique et détruisait les armes de Flag, et du coup, pour se faire pardonner, il décidait d'aller chercher l'ogive nucléaire et il la ramenait, mais sans que Flag soit au courant. Tandis que là, c'est Flag qui lui demande d'aller la chercher, voilà. Même si l'aboutissement est à peu près le même. Bah, du coup, ça rend l'aboutissement encore plus con, mais bon. Oui. Le souci, c'est qu'à la limite, que Flag veuille une super arme, c'est plutôt logique. Oui. Cette partie-là est plutôt logique. Mais qu'il envoie la poubelle qui est littéralement Gollum au niveau du jeu et même un peu de l'attitude. Bah, ça, non, t'envoies quelqu'un qui a l'air de tenir la route quoi, pour récupérer une ogive nucléaire. Quelqu'un qui s'y connaît peut-être moins en ogive nucléaire, mais. Mais pas un mec frappadingue. Voilà, c'est ça. T'envoies pas Dingo, quoi. C'est ça voilà. Le truc. T'envoies pas Ezra Miller. Non, mais c'est comme si le mec avait le choix entre Géo trouve tout et Donald Duck, quoi. Puis il envoie Donald. Ouais. Allez, c'est parti. C'est ce que ferait Picsou parce que Donald est moins cher. Ah bah, sans doute. C'est dans cet épisode-là aussi que donc, la deuxième espionne, la juge Ferris, est abattue. Oui. Et donc Flag est énervé parce qu'il n'a pas pu l'interroger. Et c'est là qu'il massacre un de ses hommes dans l'ascenseur. Ouais, et quand les portes s'ouvrent, il a cette tagline incroyable. « Toutes mes excuses à la femme de ménage ». Oui. Incroyable, la réplique. Oui. Vraiment, quoi. Voilà, il y a une scène juste avant où la BO utilise Black Betty de Ram Jam pour aucune raison. Tu sais pas. La BO, c'est inégal. Hein. Des fois, il y a des bonnes idées de pistes employées, notamment dans les génériques de fin. Il y en a plusieurs très chouettes. Oui, oui, oui. Il y a Don't Fear the Reaper sur un épisode. The Stranger. Mais à l'intérieur même des épisodes, ça n'a aucun sens, par moment. Ouais, c'est parfois beaucoup plus inégal à l'intérieur même des épisodes. Et dans mes souvenirs, il se passe pas grand-chose dans cet épisode 6. Bah, c'est l'épisode qui se dirige... où tout le monde recherche Abigail, déjà. Oui. Où Abigail a disparu et tout le monde la recherche. Qu'ils organisent la veillée devant chez elle pendant laquelle Harold et Nadine veulent faire exploser leur bombe. Ouais. Du coup, il y a tout qui se met en place au cours de l'épisode, mais c'est vrai qu'à ce stade-là, j'avais déjà du mal à me concentrer, et donc j'étais pas tellement dans les enjeux de l'épisode, pour être honnête. Parce que tout est lent, en fait. Tout est lent pour durer sur les 50-55 minutes que doit durer l'épisode pour arriver jusqu'à l'explosion finale, quoi. Ouais, et comme on n'est pas assez attaché au personnage, ça a du mal à prendre. Mais du coup, c'est la mort de Nick. Oui. C'est la mort de Nick et de... Comment elle s'appelle, du coup? Ah. Il y en a une autre qui meurt devant l'entrée. Ah bah non, elle meurt pas parce qu'elle non, elle part. Non, elle meurt pas, Ray. Elle fait partie non, Ray, elle meurt pas, effectivement. En fait, il y a assez peu de monde qui meurt parce que les différents personnages vont être éloignés. Enfin, il y a plusieurs des personnages qui vont être éloignés pour une raison ou pour une autre. Nadine, elle se débrouille pour que Larry et l'ensemble des enfants soient pas à la veillée, par exemple. Oui. Elle a un dernier geste bienveillant envers Larry... avant de sombrer totalement la femme de Flag. Et Fran était enfermée dans la cave, et elle parvient à s'enfuir. Stu est en train de chercher Mère Abigail. Il est en train de la récupérer avec Joe. Donc au final, il n'y a que Nick du groupe qui est présent sur place à la veillée. Bah, ils sont devant la... Stu est devant la maison avec... Avec Fran, au moment où ça pète. Ouais, mais ils sont parce suffisamment loin pour qu'il pas... Oui, ils se prennent le souffle, pris, ouais, ils se prennent juste le souffle. Explosion qui n'est pas trop mal faite. Encore une fois, vraiment, tout ce qui est aspect visuel de la série, c'est vraiment réussi. Hein. Oui, je suis assez d'accord. Ils ont dû avoir un bon budget, quand même, pour tout ce qui est habillage. La mort de Nick, bah, le souci, c'est que, comme on a dit, Nick, on l'a quasiment pas vu en dehors de ses flashbacks, et donc on s'en fiche. Bah, et puis il meurt seul dans une explosion, c'est totalement anti-émotionnel, quoi. Ouais. Il est pas entouré, il y a personne. Voilà. C'est... Bah, ou alors il aurait... En fait, la brutalité aurait pu être intéressante, justement, qu'il disparaisse d'un coup, mais il aurait fallu qu'on soit beaucoup plus attaché au personnage. Oui, voilà. Et le souci, c'est que... Enfin, le souci. C'est qu'installer et bien traiter un personnage sourd-muet, ça demande plus de temps, bah, parce que ça demande des scènes où il signe, ça prend plus longtemps que des dialogues... Les dialogues par la voix habituelle, et la série ne veut pas prendre ce temps-là, donc Nick est toujours relégué au second plan dans toutes les discussions. Voilà. Enfin, et puis le seul attachement qu'a Nick, c'est Tom, et Tom n'étant pas là, il n'est pas au courant que Nick meurt, et donc tu ne peux pas avoir de scène émotionnelle, tout simplement. Un peu Glenn, quand même, normalement. Un peu, mais bon. C'est pas assez développé. Voilà. Et normalement, Ralph slash Ray aussi, mais pareil, elle, encore une fois, on a dû dire son nom une fois dans la série, et c'est dans l'épisode suivant que tout à coup, elle va devenir super importante. Oui. Tu te souviens de cette fois où Amy et toi m'avez emmené à Palace Playland, un parc d'attractions à environ 50 bornes de Gunku? Ouais, je vois. Et j'ai peut-être 9 ou 10 ans, tu vois. Et on marche tranquillement dans la grande rue du parc. Et là, je vois un marchand de glace. J'y vais d'abord tout seul. Et le type derrière le comptoir me remarque à peine. C'est comme si j'existais pas. Et là, Franny arrive. Franny entre en scène. Ouais. Franny entre en scène. Et là, toute sa vie change. Ouais, bien sûr. Je te jure, c'est n'importe quoi. Il l'a dévoré des yeux. Normal avec cette tête d'ange. On est d'accord. Ouais. Et là, instantanément, il lui sort. Ouais, que puis-je faire pour vous? Grâce à elle, on a eu 3 cornets de glace totalement gratuits, dont un avec du chocolat sur le dessus. Tu t'en rappelles? Une tête d'ange. Ouais, exactement. C'est tout à fait ça. Tu te rappelles de m'avoir donné celui avec le chocolat? Oui. Oui. Je me suis même senti mal de les avoir eus gratuitement, je crois. Quoi? En fait, j'étais même pas la Franny. Attends, quoi? Comment ça? J'étais pas là. J'étais restée à la maison. T'étais là? Non. Eh ben, je dois penser à une autre fois, alors, parce que... Non, vous ne m'emmeniez jamais. Ni à Palace Playland, ni manger une glace. Vous m'avez même jamais proposé. Donc épisode 7, attention, ça démarre de nouveau sur Ezra Miller, qui voilà, déterre l'ogive nucléaire à Vegas. Il est insupportable. Il fait que hurler et pousser des gémissements étranges. Il est insupportable, vraiment. Ouais. Après, ça aurait pu être pire. Hein. Peut-être que Alexander Skarsgård aurait pu imposer son frère dans le rôle. Tout à fait le genre de rôle qu'aurait pu avoir Bill Skarsgård. Pour le coup, je pense que Bill Skarsgård ce serait mieux tiré pour le coup. Je suis même pas certain. Bah, disons que lui, il a pas de dossier bizarre au cul, quoi. Non, c'est déjà ça, effectivement. Voilà. Bah, il est suédois, c'est déjà suffisant. Hein. Quel enfoiré. Enfin, trop d'infos. Hein. Là, c'est l'épisode de la mort. Hein. Y a tout le monde qui meurt. Oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de morts dans cet épisode. C'est celui où Nadine et Harold se mettent en route vers Vegas. Ouais. Randall se débrouille pour que Harold ait un accident mortel. Ouais. À la limite, les dernières scènes avec lui où il est mourant et où il comprend qu'il a tout foutu en l'air alors qu'il avait encore le choix, je les trouve pas si mal, moi. Ouais, à la rigueur. Oh, un peu quand même. À la rigueur. Mais juste avant lui, c'est quand même Abigail qui meurt. Oui, aussi, effectivement. C'est vrai que j'en avais rien à foutre de mère Abigail, comme dans le roman. C'est dommage, j'aime bien Whoopi Goldberg, mais... Elle meurt de manière totalement random dans son lit. Voilà. Oui. Et puis on passe à autre chose. Elle les prévient qu'il y aura des morts, qu'il y en a qui ne reviendront pas. Bon, wow. Bah, voilà. C'est à ce moment-là, donne les noms, hein, mamie. Non, mais surtout, il n'y a pas besoin d'être devin pour le savoir, quoi, pour s'en douter. Oui, c'est en fait, si c'est pour pas donner les noms, soit dis rien, ouais, voilà. soit dis tout, mais fais pas juste un vieux suspense tout pourri comme ça. Voilà. C'est, tu sais, c'est Dieu qui joue à la roulette. Ah, va y avoir des morts, prenez les paris, qui reviendra vivant? Et donc, effectivement, après, c'est Harold et Nadine qui partent vers Vegas. Comme tu dis, Randall pousse Nadine à taper une pointe de vitesse juste avant un virage, ce qui effraie Harold, qui lui, du coup, en essayant de l'avertir, oublie de ralentir et se bouffe le virage en pleine gueule et finit embroché par une branche d'arbre. Ouais. Nadine, elle, est charmée par Randall dans une séquence qui fonctionne pas trop mal dans le côté malsain, pour le coup. Oui. Elle découvre le monstre qui est Randall et après va être totalement anémique face à lui. Ouais. La scène est plutôt bien amenée. Donc le groupe de Glenn, Ray, Stu, Larry se mettent en route vers Et Kojak, effectivement. Ne l'oublions pas. Se mettent en route vers Vegas pour ce que Mère Abigail leur a dit. Hein. Oui, voilà. À quoi ils servent, globalement? Bah, rien. Concrètement, parce que de toute façon, c'est l'autre qui ramène l'ogive nucléaire, donc... Non, mais on est dans la partie du roman, le bien contre le mal, voilà. Ouais, c'est ça, mais ils servent quand même à rien du tout. Bah oui, on est d'accord. En route, parce qu'ils tombent sur une portion de route effondrée, qu'ils ont du mal à remonter, il y a un petit éboulement, Stu tombe et se casse la jambe, Et donc ils lui remettent la jambe en place, mais ils doivent le laisser quand même parce qu'il ne peut plus marcher. Mais donc ils vont l'abandonner, c'est Larry qui hésite le plus. Alors j'ai été un peu surpris à ce moment-là, je crois que c'est Larry ou Stu qui dit « As I walk through the valley of the shadow of death », je ne sais pas bien pourquoi il cite Coolio à ce moment-là du film, mais de la série, mais bon. Alors, effectivement. Je l'ai noté, hein, tous les adieux et les au revoir de cette série sont nuls, tellement il n'y a pas d'émotion. Tellement les personnages ne sont pas développés. Bah, le souci, c'est qu'ils sont longs et qu'on n'est pas assez attaché aux personnages, hein, c'est ça le problème. Et c'est ce que j'ai marqué dans mes notes, cette série manque tellement de moments de vie pour les persos qu'il y a zéro attachement. Parce qu'ils sont pas techniquement mal faits, les adieux. C'est juste que on n'est pas assez intéressé pour se passionner pour. Vu que tu t'en cognes des personnages, bah voilà, c'est le problème. Oui, voilà. Alors que pourtant, Stu, c'est un personnage qui est plutôt développé, lui. Hein. Bah, c'est le plus développé, limite, je trouve. La fin de l'épisode fonctionne bien, je trouve. L'arrivée dans Vegas avec les rues fantômes, c'est réussi. Et tout ce qui entoure Nadine, qui sort du bureau de Flag et qui se voit comme magnifique, mais avec tout le monde qui a l'air terrifié sur son chemin. Ouais. Où c'est à la toute fin de l'épisode qu'on se rend compte qu'en fait elle est totalement émaciée, que alors que ça fait 2 jours qu'elle est là, elle est déjà enceinte jusqu'aux yeux oui. Et que le bébé a l'air de beaucoup beaucoup trop grossir. Oui, bouger. Ça, je trouve que ça marche bien. Pour le coup, c'est un très bon cliffhanger. Ouais. Et effectivement, ça marche bien. Elle est terrorisante. Hein. Ouais. C'est une des scènes qui marche bien dans le côté marquant et angoissant. Et donc voilà, la confrontation finale arrive. Ouais, dans l'épisode 8. On en est à l'épisode 8, mes notes commencent par « c'est encore long ». Donc l'épisode 8, il commence avec le procès de Larry, Glenn et Ray. Et Ray. Kojak, qui est une pas là, parodie fois-ci. De procès mené par Lloyd et Julie. Et par Julie. Lloyd en avocat de Randall. Ouais. Qui m'a d'autant plus rappelé effectivement Harley Quinn et le Joker que dans mon souvenir, il y a un épisode de la série Batman où comme ça, il y a le procès de Batman fait par des super oui. méchants. Oui, oui, exact. Et dans mon souvenir, Harley Quinn a un rôle un peu similaire à celui de Julie dedans. Ouais, qui joue la juge du coup. Mais l'idée est pas mal, c'est juste que c'est trop long. Oui, ça marche dans l'idée de faire un peu redescendre le pouvoir de Flag avec Glenn notamment qui va s'en moquer, qui va le traiter de peureux et qui va pousser Lloyd à perdre son sang-froid et à tirer. Ça oui. fait baisser un peu le prestige de Flag et de Lloyd, donc l'idée est bonne, mais c'est qu'à moitié bien mené. Oui, c'est ça. Ça manque de rythme surtout. Anecdote dont personne n'aura rien à foutre. Glenn cite Jules César de Shakespeare à un moment avec la réplique « The fault, dear Brutus, is not in our stars, but in ourselves ». Et en fait, cette réplique a aussi inspiré le titre du roman « The fault in our stars » de Josh Green, qui a été adapté par Josh Boone en faisant nos étoiles contraires. Ah, d'accord. Voilà. Rigolo. Une même réplique de Shakespeare apparaît dans 2 œuvres de Josh Boone, on peut dire. D'accord. Le mec s'auto-référence. Alors, je pense que c'est. je pense pas que ce soit volontaire. Hein. Je crois pas que ce soit lui qui a écrit cet épisode en plus. Ok. C'est le Quentin Tarantino du cinéma indépendant. Ou alors il adore cette réplique de Jules César, peut-être. Peut-être. C'est dans cet épisode que Nadine finit par se suicider après avoir rencontré Larry une dernière fois, qui lui montre son reflet et lui fait réaliser son état de santé. En fait, elle comprend qu'elle a jamais été censée survivre à l'accouchement et qu'elle a été manipulée par Flag depuis son enfance. Et donc elle se jette depuis la suite de Flag pour tuer le bébé en même temps qu'elle. Une bien grande chute. Ouais. Pour le coup, ça marche pas mal. Oui, oui, la révélation, la surprise qu'elle ressent, et puis bah fatalement son suicide, ça fonctionne vraiment bien, oui, effectivement. Et même ce qui vient après avec Lloyd et Julie qui sont terrifiés par Flag et par ce qu'il pourrait faire en voyant son pouvoir s'effondrer, je trouve que ça fonctionne pas trop mal dans l'idée que tout le monde se rend compte qu'ils sont avec un psychopathe. Enfin, tout le monde un peu décuve de l'espèce de gueule de bois qu'ils avaient et se rendre compte que leur monde part à sa perte. Oui. On en vient du coup à l'exécution dans la piscine. Ouais. Pour Larry et Ray qui sont attachés au fond de la piscine et Lloyd qui enclenche le mécanisme pour faire couler l'eau. Et je trouve que c'est une bonne idée d'exécution. Oui, ça permet un bon suspense pour le coup. Exécution oui. par noyade avec les personnages qui peuvent paniquer, mais du coup ce n'est pas le cas. Puisque Larry se met à provoquer ouvertement Randall en lui disant... En répétant la phrase « Je ne crains rien ». Ouais. Enfin, je sais plus exactement ce qu'il prononce. « Je ne crains aucun mal, je crois ». Voilà, « Je ne crains aucun mal ». Ce qui va finir par être scandé par d'autres personnes dans la foule qui, eux aussi, commencent à se rendre compte que leur leader, il est un peu frappadingue. Ouais. Après, le souci, c'est que cette inversion, la foule qui scande « Je ne crains aucun mal », moi, j'ai trouvé ça un peu ridicule, pour être honnête. Oui, bah... Mais, en fait, toute cette séquence-là, aussi, entre les bonnes idées, donc l'exécution dans la piscine... Et le ridicule, parce que au moment, au tout début de l'exécution, t'as une musique rock qui se lance, t'as Sasgard qui tape une danse sur son petit balconnet là, tout ça c'est ridicule. Oui, même si ça pourrait aller avec le côté entertainment trumpiste de Sasgard, enfin de Randall Flagg dans celle-là. Je rappelle que il a passé une de ses conférences de campagne, Donald Trump, à danser sur de la musique plutôt que de parler. Hein. Oui. Enfin à danser, à gigoter vaguement. Gicoté vaguement. Comme il a été élu malgré ça, donc c'est ridicule, mais hélas, visiblement, ça peut marcher. Vient le problème pour moi de Flag, que ce soit dans les romans, dans la première version ou dans celle-là, c'est qu'en fait, le mec, il est tout pérave. Bah ouais. C'est-à-dire, on passe ton temps pendant toute la série à te dire qu'il a une autorité incroyable et des super pouvoirs, et il perd tout ça en 3 secondes 5. Oui, c'est ça. Dès que les éclairs vont commencer, alors donc il y a, la poubelle qui arrive avec son ogive nucléaire, il y a l'orage qui commence à se déclencher, et effectivement dès que les éclairs commencent à frapper, Flag est totalement impuissant. Voilà. Et encore, même sa puissance, il commence déjà à la perdre au moment où la foule scande, et où Larry scande. Ouais. Je pense que là l'idée, et qui sera reprise après, c'est que Flag est très dépendant de ses, fidèles. Pour avoir ses pouvoirs, en fait. Plus il y a de gens qui croient en lui, plus ses pouvoirs sont forts. Ben, du coup, c'est pas vu que c'est pas expliqué, c'est pas clair. Oui. C'est ça le problème. En fait, Randall Flagg, c'est un fable, quoi. Oui, c'est vrai. Ezra Miller revient avec un maquillage vraiment réussi, puisqu'il est tout putride à cause des radiations provoquées par la bombe nucléaire qui traballe depuis, depuis X kilomètres. Ouais, ouais, il a la tête qu'il mérite, effectivement, dans cette... Voilà, c'est ça. Et là, vraiment, tu te dis, mais c'était quoi ce plan débile, là, de Flag, là? Comment ça? Pourquoi t'as fait ça? C'est vrai qu'au moins, dans le roman, c'est involontaire, quoi. La poubelle débarque avec sa bombe sans avoir demandé l'avis de personne. Oui. Là, effectivement, on comprend vraiment pas pourquoi il a fait appel à lui. Surtout que si c'est pour envoyer une ogive nucléaire, il peut l'envoyer depuis là où il est, il n'y a pas besoin de la trimballer sur tout le chemin, il l'envoie depuis sa base... Enfin, c'est bizarre. Hein. Bah, encore là, l'excuse, c'était qu'il voulait que ce soit lui qui pilote l'avion pour balancer la bombe. Mais dans ce cas-là, prends ton petit avion et va jusqu'à où et l'ogive. Il peut se téléporter. Et embarque là. Il peut se téléporter, Flag. Donc, Oui, il peut voler même. En fait, il peut tout faire, mais il fait rien. C'est ça le problème, en fait. Et donc, c'est là qu'arrive la main de Dieu, hein, puisqu'il il n'abandonne pas cette idée de cette main faite de nuages qui se matérialise autour... pas autour, au-dessus des antagonistes, et qui là, pour le coup, ne saisit pas l'ogive nucléaire, comme dans la première adaptation, elle balance des éclairs. Oui, et balance un éclair sur la bombe à la fin, mais en ayant déjà bien amoché Flag avant. Oui, alors s'étant même acharné sur Flag, hein. Tu te demandes même sur le moment, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il se laisse faire? Qu'est-ce qu'il Oui, il n'intervient pas du tout. Encore une fois, je pense vraiment que c'est qu'il a perdu tous ses supports, mais c'est pas assez développé pour marcher. Ça aurait pu être une bonne idée, je pense. Mais qui ne fonctionne pas. Avant ça, je note la mort de la présentatrice, tu sais, celle qui organisait la fête, là, qui conduisait les caméras et tout. Ouais. Dans sa fuite, elle se mange un éclair au niveau de la tête. Elle explose littéralement. Ouais. Voilà, j'ai noté enfin une mort. Je crois que c'est elle, la femme rat, jouée donc par la fille d'Ourif. Oui, c'est elle. Après... Moi, c'est un peu mes trucs dans ma tête qui, des fois, me font penser à des choses cheloues. La main de Dieu, c'est un des rares trucs où j'ai une référence foot. Je sais que c'est un truc qu'avait invoqué Maradona pour une fois où il avait utilisé la main pour un but et où l'arbitre l'avait pas vu. Et du coup, oui. Il avait dit toute sa vie que c'était la main de Dieu. Du coup, moi, dès que j'entends cette expression, je pense à Maradona. C'est quand même pas de chance que la seule référence foot que j'ai doive être invoquée à ce moment-là, là, à la limite. Donc la bombe explose, tout le monde meurt. Stu est loin, donc il ne meurt pas. Oui. Enfin, on suppose qu'il ne meurt pas. Oui. La scène où on voit Tom qui erre dans le désert et qui est alerté par Kojak et, où il approche de Stu, je trouve qu'elle marche bien. Visuellement, elle est belle. Ah oui, elle marche bien. Et juste, elle marche bien. Et justement, j'allais rebondir dessus en disant, bah, le mec sort de nulle part. Quoi. On savait qu'il avait quitté Vegas, mais on l'avait pas revu depuis, ouais. Donc Willy, il émerge d'un lever de soleil accompagné de fumée et de poussière. Il est averti par Kojak. Et lui est tout content, parce qu'il le connaît. Et donc il le suit, et voilà. Joe annonce la mort de l'homme en noir à Boulder, tandis que tout le monde voit les lueurs de l'explosion. Oui. Et les contractions de Fran débutent. On a très peu vu Boulder depuis un bon moment, donc du coup... ça nous a fait perdre un peu de vue tous ces personnages, mais voilà. C'est ça. Et c'est la fin de l'épisode, et là tu te dis, bah, normalement c'est comme ça que se termine le roman, pourquoi il reste encore un épisode d'une heure ? Je crois qu'il y a une sacrée coda dans le roman aussi. Hein. On l'a oublié parce que parce qu'elle est nulle, mais je crois que ça met longtemps à finir aussi. Ah bon ? Je vais revérifier pendant que tu commences à présenter l'épisode 9. Je pensais pas te revoir un jour. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a appelé, et je suis venue. Et maintenant, je porte son prince. Nom de Dieu, non mais est-ce que tu t'entends ? Est-ce que les autres s'en sont sortis ? Ouais. Curieusement, vous avez réussi à pas tuer tout le monde avec cette bombe. Et Harold... C'était l'idée d'Harold, non ? Nadine, je te comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire ? La veillée. T'as tout fait pour éloigner les enfants. Pour m'éloigner, moi. Je voulais pas que tu meures. Mais les autres, si. Pour pouvoir venir ici et devenir cette chose. C'est ce que j'ai toujours été, Larry. Enfin, tu le vois pas ? Je l'ai compris... Justement, en arrivant ici, ça a été une vraie révélation. Bordel, Nadine. Regarde-toi, putain. Regarde-toi. Allez, regarde-toi. Il a donné un sens à ma vie. Nadine, regarde. Larry, je comprends pas. Bah du coup, l'épisode 9, je vais vous lire mes notes. Un épisode épilogue, bah pourquoi faire ? Réponse, après 50 minutes de vide, ah bah pour rien. Voilà. Ah oui. Ah oui, oui, t'as vraiment été expéditif. Ah oui, bah en même temps, que nous raconte cet épisode ? Bah ça nous raconte les retrouvailles expédiées au lance-pierre de Stu, Tom, Kojak et de la communauté. Donc Stu est très content de revoir Fran. Fran lui montre la gamine, puisque du coup, il y a eu accouchement. Au début, il y a eu panique, parce que la gamine est née avec la fièvre, en ayant la super grippe. Mais elle a survécu. Voilà, on ne sait pas pourquoi, il n'y a pas d'explication. Pas plus d'explication que ça. Et eux décident de quitter Boulder, parce qu'ils se disent « Boulder devient une ville de plus en plus grosse. Il commence à y avoir un début de criminalité. Ils n'ont pas envie de revivre ce qu'il y avait dans l'ancien monde. » Et donc, ils décident de se barrer. En gros, c'est les raisons. Ouais. De pourquoi il se barre. Le truc de la gamine qui a la super grippe, je pense que l'idée c'est juste que la nouvelle génération est immunisée un peu comme, une évolution génétique. Ça, admettons, le souci c'est que c'est expédié en deux minutes, le fait qu'elle a la super grippe et qu'elle est soignée, donc on a du mal à rentrer dedans. De même, le fait que Stu soit absent pendant des semaines, étant donné que c'est passé en montage, on s'en tape un peu. En fait, ça aurait fonctionné si la gamine était née... plusieurs épisodes avant, et si elle avait la super grippe pendant plusieurs épisodes. Bah oui, voilà, il aurait peut-être fallu faire naître la gamine avant, tricher avec l'ordre qui est utilisé dans le roman, ouais. Je viens donc de vérifier, la bombe explose à la page 701 de l'édition livre de poche du tome 2, et ça va après jusqu'à la page 790, donc il reste 90 pages. Ouais. C'est trop. Oui. En fait, le truc, c'est que la péripétie autour de la fille de Fran, c'était difficile de passer à côté parce que ça installe que la super grippe peut avoir une fin. Mais ouais, c'est pas très bien mené. Voilà. Donc après, il se barre. Ouais. Par contre, il y a cette chouette séquence sur les ruines de Dallas où le smiley se met à sourire. Oui. Ouais. Alors, à noter, il y a un moment, j'ai mis dans mes notes, on voit une fresque murale avec Mère Abigail avec noté « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Je trouve Abigail terrifiante dessus. Oui, oui, et puis ça, associé à la phrase en plus, mon Dieu, quoi. Oui, c'est ça. C'est creepy as fuck. Hein. Ouais. C'est censé être une phrase de la Bible, mais je vais toujours trouver un côté super malsain. Peut-être parce que j'imagine des prêtres la dire, justement. Oui, voilà, c'est parce que c'est notre époque qui veut ça. Ouf, notre époque. Oui, non, parce que maintenant, on est au courant. Oui, c'est ça, tu vas pas me dire qu'il y a 1000 ans, les prêtres... Enfin, il y a 500 ans, les prêtres, ils faisaient pas ça. Oui, mais on le savait pas. Ouais. C'est pour ça. Bref. Ils s'en vont. Ouais, alors c'est là que je dis que le personnage de Joe a été complètement sacrifié au passage, parce que Joe, maintenant, parle parfaitement normalement. C'est un gamin très intégré, alors qu'il était muet, avec des grosses difficultés relationnelles et des gros problèmes d'angoisse toutes les fois précédentes où on l'a vu. Et là, maintenant, non, c'est un gamin normal. C'est un gamin... Il y avait un gros côté traitement de Joe comme un enfant neuroatypique, et là, tout à coup, c'est un enfant neurotypique. C'est depuis la mort de Flag. Ouais, ça a dû lui faire du bien. Qui du coup, en fait, n'est pas vraiment mort, donc ça n'a aucun sens, mais bon. Ah, il va peut-être redevenir comme ça après, mais tant que Flag est mort, il peut profiter, je sais pas. Et donc, à un moment, ils sont dans une maison, il y a lui qui part chercher des produits. Ouais, c'est l'ancienne maison de Mère Abigail, on comprend un peu, parce que c'est là qu'ils la voyaient dans leurs rêves. Elle... Au bout d'un moment, faut dire les termes, elle est complètement conne, quoi. Il y a un puits à moitié défoncé, elle trouve pas mieux que de faire des trucs dessus. Oui, on voit pas bien pourquoi elle veut absolument réparer ce puits. Elle veut de l'eau. Oui. Oui. Voilà. Après, tout est parti en chercher, donc attends. Juste au lieu de risquer ta vie, je sais pas. Oui, c'est ça, elle a pas l'air d'être dans une situation ultra critique. Il y a Flag qui lui fait faire des visions, donc du coup, elle panique et elle tombe dans le puits. Ouais. Voilà. Qui fait le malin, tombe dans le puits. Le rat, l'attaque du rat, marche pas mal, je trouve. Oui, c'est assez surprenant. Ouais. On l'a pas évoqué, mais juste avant ça, il y a eu la résurrection de Mère Abigail. Oui, c'est-à-dire, c'est de jouer sur le suspense, parce qu'on voit une gamine non nommée. Mais bon, il y a un personnage noir dans le film, donc dans la série. Bon. Ah non, il y en a deux avec Larry, mais il y en a qu'une qui est une femme, quoi. Oui, voilà, effectivement, oui, il y a Larry aussi, mais évidemment que c'est Abigail, en plus on a reconnu sa maison, donc le suspense c'est un peu tout pété. Mais c'est surtout, pourquoi ? Je comprends pas, quel est le sens de tout ça ? C'est pour nous dire que le bien et le mal, finalement, ni l'un ni l'autre ne triomphera jamais, qu'ils seront toujours là ? Oui, que ce sera une lutte éternelle, je pense que c'est l'idée. Oui, ben on est au courant déjà, ça sert à rien de faire un épisode entier pour ça. Oui, déjà, oui. Au bout d'un moment, j'en ai assez soupé de votre série de merde, là. Puis à la limite, Mère Abigail, j'aurais préféré qu'elle se réincarne façon Doctor Who, tu sais, dans une incarnation totalement différente. Ah. Genre, tu sais, c'est devenu, je sais pas, c'est devenu Stallone ou quelque chose comme ça. Il est con. Respecter la volonté du Seigneur. Et donc, du coup, il y a Fran qui est dans le fond du puits, là, avec une cheville pétée. Ouais. Elle est en vrac, quoi. Il a un truc avec les puits, Stephen King. C'est déjà dans 1922 et dans Dolores Claiborne. Et il y a Flag qui essaye de passer un pacte avec elle. En fait, il fait comme il a fait avec Nick, quoi. Oui. Sauf que c'est pareil que pour Nick, ça marche pas. Ça donne à Fran effectivement un moment où elle résiste contre Flag, mais bon, tout ça juste pour ça, il y aurait eu moyen de l'intégrer au cours de la série, une Fran plus active, parce que effectivement, comme dans le roman, Fran finalement. Est une suiveuse tout le long de la série, et comme c'est le seul personnage féminin avec Mère Abigail, ça fait que les personnages féminins sont pas forcément bien lotis dans le fléau. C'est ça. Stu, donc, qui entre-temps a crevé, etc., revient et voit la jeune Abigail qui attend sur les marches, il réussit à sortir Fran avec l'aide d'Abigail. Ouais. Pendant ce temps, dans un rêve, la vieille Abigail a promis à Fran qu'elle aura 5 enfants, 20 petits-enfants et 70 arrière-petits-enfants. Étant donné le manque de précision et de survivants, à mon avis, les 70 petits-enfants, ce sont les résultats des 10 couples formés par les 20 petits-enfants, quoi. Oui. C'est... Le rêve de repopulation planétaire d'Abigail, c'est quand même de créer une population du coup consanguine, quoi, c'est super. En même temps, quand il reste pas grand monde, c'est vrai que c'est difficile d'y échapper. Ça, on va admettre. Après, si tu suis, les textes religieux, on est tous consanguins, normalement, on descend tous d'Adam et Ève. Bah oui, déjà dans l'idée, effectivement, il y a ça. Et du coup, ça expliquerait beaucoup de choses sur l'état actuel de notre planète. Faut admettre. Mais oui, j'ai tout de suite pensé au côté consanguin du problème. Alors c'est peut-être que je suis trop terre-à-terre sur ce genre de questions, j'en sais rien. Oui, non mais moi aussi, puisque l'aspect religieux nous passe totalement au-dessus. Oui, c'est ça, on n'est tellement pas touché par ça que ça fait forcément cet effet. Voilà. Toujours est-il que Fran est sauvée, qu'elle est miraculeusement soignée par Mère Abigail. Et donc effectivement, toute cette séquence n'a pas servi à grand-chose. Voilà, ils arrivent dans le Maine et Fran dit les commandements de Dieu pour conclure la série. À la limite, quand même, comparé au livre, je trouve que ça insiste un peu moins sur le côté on doit tout pardonner parce que c'est la volonté de Dieu, y compris les horreurs. Je trouve que ça pousse un peu moins sur cet aspect-là que le roman. C'est là, mais moins. Et c'était vraiment un aspect qui m'avait énervé dans le roman, moi. Donc c'est déjà ça de gagné. Ouais, d'accord. Mais c'est pas sur ça que véritablement se termine la série. Non, ça se conclut comme le roman pour le coup. Avec Frag qui débarque dans une chez des Amérindiens. Je sais pas trop où on se place à ce moment-là, enfin où on est. Vu la faune, je dirais plutôt Amérique du Sud, moi quand même. Ouais, enfin je sais pas trop, vers une tribu arborigène en tout cas. Ouais. Ils sont pas contents de le voir débarquer, en même temps le mec se trimballe la bite à l'air en mode « Youhou !» Moi aussi je serais pas content. C'est un truc de suédois, je crois, hein, le naturisme. Et le mec fait littéralement péter la tête de leur chef dans un effet plutôt réussi, encore une fois. Après, il s'envole et il leur dit un nouveau nom. Par contre, ce n'est plus Randall Flagg. Et du coup, il est en train de se créer sa nouvelle communauté, quoi. Il s'envole parce qu'ils se mettent tous à genoux devant lui en voyant que, justement, il est capable de faire exploser les têtes à l'envi, ce qu'il n'avait pas vraiment comme pouvoir auparavant, alors que ça lui aurait été bien utile à Vegas, mais bon. Ou alors il l'avait, mais il était juste très con de ne pas l'avoir utilisé. C'est selon, vu qu'il a l'air quand même particulièrement con, cet homme-là. Et voilà, et du coup il se fait sa nouvelle communauté. Ouais, c'est ça, et la lutte entre le bien et le mal va pouvoir continuer. Reprendre. Et c'est donc la fin de cette nouvelle adaptation du Fléau. Ouais. Qui, globalement, n'aura pas changé grand-chose par rapport au roman, à part cette conclusion, mais qui, je trouve, à part qu'elle est longue, pareil, elle apporte pas grand-chose de très intéressant. Et, en somme, qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est moins bien que l'ancienne? Je pense que c'est mieux, quand même. Oh, quand même, au moins pour l'aspect technique, on va dire que c'est moins bien. Oui, c'est mieux techniquement, mais après, est-ce que ça vaut vraiment le coup de l'avoir? On verra bien où on la classera, mais si vous avez adoré le roman, pourquoi pas? Parce que du coup, il y a beaucoup des défauts qu'on y a trouvés qui sont aussi des défauts du roman, donc peut-être que vous passerez plus facilement dessus. Oui, mais clairement. Ça garde des problèmes de développement de personnages, des problèmes d'installation de l'intrigue, qui fait qu'il n'y a pas le temps. C'est vraiment un livre interminable, en fait. Ça fait 1500 pages. Même en 9 heures, il faut forcément aller vite, où il aurait fallu plus supprimer de scènes. C'est ça. Eh bien, nous allons pouvoir passer à une scène, alors. Connard de virus. Très bien, nous allons lire une scène tirée du tome 1 dans l'édition Livre de poche du roman. Donc la traduction est de Jean-Pierre Quijano, et nous sommes à la page 496, quand Randall Flagg vient voir Lloyd en prison. Au moment où les yeux de Lloyd allaient découvrir le visage de Randall Flagg, Flagg poussa un énorme « bouh ». Le bruit monta dans le silence du bloc des cellules, puis revint, fracassant. Lloyd hurla, trébucha, tomba par terre et se mit à pleurer. « Mais non, faut pas avoir peur. Eh, hey, mon vieux, tout va bien ?»« Tout va plus que bien. » Lloyd sanglotait. « Vous pouvez me faire sortir, s'il vous plaît. Faites-moi sortir. Je ne veux pas crever comme mon lapin. Je ne veux pas crever comme ça. C'est pas juste. C'est à cause de Poc. Moi, j'aurais fait rien que des petites conneries. Laissez-moi sortir, monsieur. Je ferai ce que vous voulez. » « Mon pauvre vieux. Avoir ta dégaine, on dirait une pub pour une semaine de vacances à Dachau. Malgré le ton chaleureux de la voix de Flag, Lloyd n'osait pas lever les yeux plus haut que les genoux de ce type. S'il regardait encore une fois ce visage, il allait mourir. C'était le visage d'un diable. « S'il vous plaît, laissez-moi sortir d'ici, je crève de faim !»« Ça fait combien de temps que tu es dans ce trou ?»« Je ne sais pas !» répondit Lloyd en s'essuyant les yeux. « Longtemps ? Et pourquoi t'es pas mort ?»« J'avais quand même prévu le coup !» dit Lloyd au Blue Jean, en rassemblant les derniers vestiges de son ancienne roublardise. « J'avais gardé de la bouffe, pas fou !»« T'aurais pas pris une bouchée de ce brave type dans la cellule d'à côté, par hasard ?»« Quoi ?» croissa Lloyd. « Quoi ? Non ! Nom de Dieu, non ! Pour qui vous me prenez, monsieur ?» « Monsieur, s'il vous plaît !» Ta jambe gauche a l'air pas mal plus maigre que la droite. C'est pour ça que je te le demande, mon vieux. « Je sais vraiment rien de tout ça, » murmura Lloyd, en tremblant de la tête aux pieds. « Et ce joli rat, c'était bon ?» Lloyd se cacha la figure dans les mains et ne répondit pas. « Comment tu t'appelles ?» Lloyd essaya de répondre, mais ne put que pousser un gémissement. « Votre nom, soldat !»« Lloyd Enright !» Il essaya de penser à ce qu'il allait dire ensuite. Mais tout tournait dans sa tête. Il avait eu peur, son avocat lui avait dit qu'il risquait de monter sur la chaise électrique, mais pas aussi peur que maintenant. Il n'avait jamais eu aussi peur de sa vie. « C'était l'idée de Poc !» hurla-t-il. « C'est lui qui devrait être ici, pas moi !»« Regarde-moi bien, Lloyd !»« Non !» murmura Lloyd en roulant des yeux. « Pourquoi pas ?»« Parce que... »« Allez, vas-y !»« Parce que je crois que vous n'êtes pas réel !» murmura Lloyd. « Si vous êtes réel, monsieur... » Si vous êtes réel, vous êtes le diable. Regarde-moi, Lloyd. Épouvanté, Lloyd leva les yeux vers ce visage sombre qui grimaçait un sourire derrière les barreaux. De sa main droite, l'homme tenait quelque chose à côté de son œil droit. Quand il regarda cette chose, Lloyd eut tout à coup très chaud et très froid. On aurait dit une pierre noire, noire comme du goudron. Au centre, un éclat jaune comme un œil terrible, sanglant, mi-clos, qui regardait Lloyd. Puis Flag fit lentement tourner la pierre entre ses doigts et l'éclat rouge prit la forme d'une... clé ? Flag faisait tourner la pierre entre ses doigts. L'œil, la clé. L'œil, la clé. Et l'homme se mit à chanter. « Elle m'a donné du café, elle m'a donné du bon thé. Elle m'a tout, mais tout donné, mais pas la clé des champs. Pas vrai, Lloyd ?»« Si, si, » dit Lloyd d'une voix rauque. Ses yeux étaient fixés sur la petite pierre noire. Flag la faisait courir entre ses doigts, comme un prestidigitateur. « Je suis sûr que tu apprécies la valeur d'une bonne clé, » dit l'homme en faisant disparaître la pierre noire dans son poing. La pierre qui reparut tout à coup dans l'autre main, puis recommença à courir d'un doigt à l'autre. « Je suis sûr que tu comprends, parce que les clés sont faites pour ouvrir les portes. Et y a-t-il quelque chose de plus important dans la vie que d'ouvrir les portes, Lloyd ?»« Monsieur, je crève de faim !»« Je n'en doute pas. » dit l'homme en prenant une expression de sollicitude tellement forcée qu'elle en était grotesque. « Mon Dieu, un rat. Il faut quand même le faire. Tu sais ce que j'ai mangé au déjeuner ? Un formidable sandwich au roast-beef bien saignant, sur petit pain viennois, avec une excellente moutarde à l'estragon. Appétissant, non ? » Lloyd hocha la tête. Des larmes coulaient de ses yeux trop brillants. « Avec en plus des frites, un grand verre de lait, et puis comme dessert... Ah, mais bon Dieu, je suis en train de te torturer, n'est-ce pas ? « C'est très méchant. Je mérite une bonne fessée. Oui, une bonne fessée. Je suis désolé, je vais te faire sortir tout de suite, et puis on va manger quelque chose, d'accord ?» Médusé, Lloyd ne sut que répondre. Oui, l'homme à la clé était un démon, ou plus probablement encore un mirage. Et le mirage allait rester là devant sa cellule jusqu'à ce qu'il tombe raide mort. Il allait lui parler tranquillement de Dieu et de Jésus, de sa moutarde à l'estragon, faisant apparaître et disparaître l'étrange pierre noire. Pourtant, l'expression de compassion qu'il lisait sur ce visage semblait bien réelle, et l'homme paraissait vraiment s'en vouloir de ce qu'il avait dit. La pierre noire disparut à nouveau dans son poing, et quand le poing s'ouvrit, les yeux sidérés de Lloyd découvrirent une clé plate en argent dans le creux de la paume de l'étranger. « Mon Dieu !» croissa Lloyd. « Tu apprécies ?» demanda l'homme noir, satisfait. « C'est une masseuse qui m'a appris ce petit truc. Une masseuse de Secaucus, dans le New Jersey. Secaucus. » Patrie des plus gros éleveurs de cochons du monde. L'homme se baissa et glissa la clé dans la serrure de la cellule de Lloyd. Ce qui était étrange, car si sa mémoire fonctionnait encore, ce qui n'était à vrai dire pas tout à fait le cas, ses cellules n'avaient pas de serrure. Elles s'ouvraient et se fermaient électroniquement. Mais il ne douta pas un instant que la clé d'argent fonctionnerait. Au moment où la clé s'enfonçait dans la serrure, Flack s'arrêta et fit un sourire espiègle à Lloyd. Et Lloyd sentit le désespoir s'emparer de lui à nouveau. Ce n'était qu'un truc. Je me suis présenté. Je m'appelle Flag, avec 2 G. Content de faire ta connaissance. Moi aussi, froissa Lloyd. Je pense qu'avant de t'ouvrir pour que tu ailles manger un morceau, nous devrions conclure un petit marché, Lloyd. Bien sûr, croissa Lloyd, et il se remit à pleurer. Je vais faire de toi mon bras droit, Lloyd. Tu vas devenir pareil que Saint-Pierre. Quand j'ouvrirai cette porte, je vais glisser les clés du royaume dans ta main. Bonne affaire, non ? Oui, murmura Lloyd, terrorisé. Il faisait presque complètement noir maintenant. Flag était à peine plus qu'une silhouette dans l'obscurité, mais ses yeux étaient encore parfaitement visibles. Ils semblaient briller dans le noir comme les yeux d'un lynx. Un œil à gauche du barreau qui aboutissait à la serrure, l'autre à droite. Lloyd était terrorisé, mais il sentait autre chose aussi. Une sorte d'extase religieuse. Un immense plaisir. Le plaisir d'avoir été choisi, d'être l'élu. Le sentiment d'être arrivé à quelque chose d'autre. Tu voudrais te venger des types qui t'ont laissé moisir ici ? Pas vrai ? Ah oui, dit Lloyd en oubliant un instant sa terreur. Et il sentit la colère monter en lui. Féroce. Très bien. Voilà. Et maintenant, la même scène dans la série. C'est la scène qui conclut le 2e épisode. Beau. Mon pauvre vieux. Ça fait combien de temps que t'es dans ce trou ? Je sais pas. Une semaine ou... Je sais pas. Quel jour on est ? Pourquoi t'es toujours en vie ? Il faut pas le savoir. J'ai trouvé ça. Je l'ai bouffé. T'aurais pas pris une petite bouchée de ce type qui occupe le lit du bas, par hasard ? Ça peut pas être moi, c'est sûrement quelqu'un d'autre. Une de ses jambes a l'air un poil plus maigrichonne que l'autre. Je sais rien de tout ça, je suis pas au courant. Ouais, mais elles ont l'air pareilles pour moi. Ça a quel goût ? J'en sais rien. C'était l'idée de Pauk, putain. De grignoter ton pote de chambre. C'est à cause de ça que je me retrouve ici, parce que Pauk a balancé qu'il fallait voir grand, et moi j'ai dit non, faut rester petit, résultat, je dois bouffer la jambe de quelqu'un. Regarde-moi. Non. Pourquoi ? Je crois que vous êtes pas réel. Oh si, je suis réel, mon pote. Il n'y a pas plus réel. Eh ben, si vous êtes réel, vous devez être le diable. C'est pas très gentil de dire ça, Lloyd. Elle m'a apporté du café. Elle m'a apporté du thé. Elle m'a tout, mais tout apporté. Sauf la clé du pénitencier. Oh, la vache. Pas mal, hein? J'ai appris ce tour dans un salon de massage à Secaucus, dans le New Jersey. C'est super. Secaucus, la ville des plus grands élevages de porcs du monde. Monsieur, j'ai vraiment hyper faim. Tu m'étonnes. Un peu de viande de rat et une ou deux bouchées de mollets humains crus, ça suffit pas à nourrir un type comme toi. Oh non, ça suffit pas. Moi-même, j'ai un petit creux alors que ça fait à peine une heure que j'ai fini de déjeuner. Oh. Un sandwich au roast beef saignant sur du pain viennois. Avec des oignons et de la moutarde, légèrement épicés. Servi avec des frites maison. Et un lait au chocolat pour faire descendre le tout. Oh mince, désolé. Je te torture là, non ? Tu sais quoi ? J'ai une idée. Et si je te laissais sortir d'ici et qu'on allait manger un truc tous les deux ? Ouais, carrément. Il me semble que je me suis pas présenté. Je m'appelle Flag. Avec 2G. Ravi de faire ta connaissance. Moi aussi. Mais avant que je te libère en ouvrant cette porte et qu'on aille manger un morceau, il y a 2-3 petites choses qu'on doit mettre au clair. Ouais. Vous êtes vachement impressionnant. Je vais faire de toi mon bras droit, Lloyd. Tu seras Saint-Pierre aux portes du paradis, tandis quoi, ça te plairait. Je crois que oui. Tu veux te venger des types qui t'ont laissé moisir ici, je parie. Oh ouais. Ouais. Et pas que d'eux d'ailleurs, mais aussi de tous ceux qui feraient ce genre de trucs. Des salopards qui traitent des mecs comme toi. Comme une merde. Oh ouais. Je suis pas une T'es merde. T'es pas une merde, Lloyd. Je suis pas une merde. On va aller loin. Je suis pas une merde. Le moment est venu pour les gens comme nous. Ouais. C'est une nouvelle ère qui débute. Très bien, si on a choisi cette scène, c'est pourquoi je te laisse commencer. Bah déjà, c'est parce que franchement, elles sont toutes les deux plutôt réussies, autant que ça soit dans l'adaptation que dans le roman. La scène est plutôt cool, Flag est très intrigant, et la nouvelle adaptation apporte un décor vraiment très réussi, le décor de la prison en ruine, comme ça, avec tous les cadavres des détenus, les cadavres des gardes, et même le bout de jambe qui a commencé à croquer Lloyd. Ouais, ça s'est repris. Est plutôt bien réussi. Le rat aussi, d'ailleurs, il y est. Le rat aussi, oui, effectivement. Et effectivement, dans les deux, c'est aussi une des premières apparitions, et même la première vraiment longue apparition de Randall Flagg. Ouais, tout à fait. Le gros changement, c'est que dans la version roman, il y a le noir qui tombe à une vitesse anormale, et donc Flagg est à peine visible à la fin, tandis que la version série se passe en pleine lumière, et va compter à 100% sur le jeu de Skarsgård pour faire passer l'angoisse autour de Flagg. Et il s'en sort très bien. Et il s'en sort très bien, ouais. C'est vraiment un très bon choix pour celui de Flagg. Ouais. En termes de casting, j'entends. Ouais, c'est ça. Je trouve qu'il a bien, en fait, ce que décrit King, ce côté où on ne sait pas s'il est en train de plaisanter ou s'il est sincèrement compatissant. Il arrive à être toujours sur le fil. Oui. Ce qui est sûr, c'est qu'il est totalement fou. Oui, ça, c'est clair. Faut vraiment être dans la situation de Lloyd pour lui faire confiance. Et on ne l'a pas mentionné, mais c'est pareil pour l'acteur qui joue Lloyd. Hein. Il fait très bien... déjà, physiquement, il fait très bien le petit bandit un peu baltringue sur les bords. Oui. sans que ça soit une attaque sur son physique ou quoi que ce soit. Mais il tient bien le rôle, quoi, vraiment. Oui, et puis il joue pas mal. Hein. C'est dommage que son personnage soit, encore une fois, très peu présent par la suite, parce qu'il est plutôt bon acteur. Oui, voilà. C'est dommage que ça soit sous-exploité. Et c'est pas inintéressant, en plus, ce personnage qui a été le petit minable toute sa vie et à qui on donne la gloire et donc qui est prêt à une fidélité absolue. Donc ouais, la scène est vraiment bien gérée et... Alors après, elle dure longtemps. En fait, c'est à la fois une scène qui est réussie et qui montre toutes les limites de l'adaptation. C'est que pour bien réussir le fléau, il faut avoir des longues scènes comme ça. Sauf que là, ça veut dire que ça passe 5 minutes pour adapter 7 pages du roman et qu'il y en a 1500, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, quand on prend le temps pour faire bien certaines scènes, il y en a d'autres qui vont en souffrir à côté. Non, mais en fait, pour le coup, c'est le format film n'est pas assez long, mais le format mini-série non plus, tout simplement. Ouais. Le souci, c'est que une plus longue série, ça va être ennuyant. Bah, ça dépend. En fait, il faut pas faire une série avec des épisodes d'une heure. Tu fais des épisodes de 30 minutes, c'est tout. Ouais, peut-être qu'il y a moyen de faire bien passer. Aujourd'hui, avec le format plateforme qui du coup oublie les règles télévisuelles, tu peux très bien faire des épisodes bien plus courts, t'es pas obligé de te limiter à des épisodes d'une heure. Enfin, de t'imposer des épisodes d'une heure. Oui, après là, c'était sur CBS, donc c'était sur une chaîne. Oui, c'est ça le problème. Pourquoi se limiter à une chaîne, finalement ? Bon, je pense que c'est ils ont fait avec les gens qui voulaient bien du truc, hein, en partie, pour le coup. Après, oui, puis après tu me diras... Pendant la production de la série, les plateformes de développement n'étaient pas aussi développées que... Ça commençait, mais oui, c'était les débuts, on va dire. Voilà. Les débuts du boom. Mais ouais, le fléau... Ou alors, vraiment, simplifier l'intrigue, je pense que c'est nécessaire aussi. Et soit tu simplifies l'intrigue, donc du coup, tu peux faire une mini, soit tu décides de partir en full fidélité, et dans ce cas-là, il faut une série avec au moins une seconde saison. Ouais. À la limite, tu vois, je crois qu'on tu l'évoquais dans un live qu'on faisait sur Twitch, un film de très long de Kurosawa pour le fléau aurait pu marcher, s'il aurait pu retranscrire l'ambiance post-apocalyptique avec un côté contemplatif et en simplifiant énormément l'intrigue. Oui. Ce genre de truc, moi, je pense que c'est peut-être la direction qui me tenterait le plus. Parce que je t'avouerais qu'une série qui l'adapterait dans les détails, faudrait qu'elle fasse 150 heures et j'aurais un peu la flemme. Hein. Oui, ou alors plusieurs films. Oui. Mais donc voilà, bah, y a quand même quelques belles scènes à se mettre sous la dent. Il y a des trucs à sauver. Il y a Skarsgård, clairement. Et voilà, c'est dommage que l'ensemble tienne moyennement la route. Et bah, on va classer, je suppose. Voilà. Alors avant ça, j'aimerais te lire un avis que j'ai trouvé sur Google. Attention, je ne vais pas dire la personne qui a écrit, bien entendu, pour préserver son anonymat. Cette série pitoyable est un modèle de destruction par les idéologues du socialisme antiraciste et autres néo-bolchevistes. Quoi ? Le camp du bien est composé d'un panel racisé, entre guillemets, hein, savamment choisi. Ah ! Il semblerait quand même que les gauchos féministes aient oublié les noirs, on en voit un ou deux, et les arabo-musulmans. Bref, du multiracial calibré gaucho-bobo des beaux quartiers. Mais attends, si on a oublié les noirs et les arabo-musulmans, il reste qui? Attends, c'est pas fini. Le camp du mal, haha, que des blancs qui se pavanent dans la luxure, les orgies et le massacre. Leur chef est une caricature de nazi, un pur nordique germain. Oui, bah ça, effectivement, c'est un suédois. Mais c'est pas de sa faute. Elle est incroyable, cette critique. Mais ce qui est le plus fou, c'est qu'il parle... Enfin, il parle de destruction, donc a priori, c'est qu'il connaît l'œuvre de base, et des personnages qui sont changés au niveau genre ou au niveau... Ou au niveau ethnie, il y a que Ralph qui devient, qui est un homme blanc dans l'original et qui devient une femme amérindienne. Parce que sinon, ouais. Larry et Mère Abigail, ils ont toujours été noirs. Bah oui. Bah oui. Donc, ouais, non, c'est très étrange. Bon, je la garderai, c'est rigolo. C'est toujours rigolo les avis de. On lui trouve une autre enfance. Puis une sirène, ça peut pas être noir. Hein. Moi, j'ai vu dans l'adaptation Disney, je me suis renseigné sur les sirènes. Je suis un spécialiste en zoocryptologie. Puis à ce moment-là, c'est quoi la prochaine étape? Gérard Depardieu en Alexandre Dumas? Oh merde, non, ça a été fait. Bon. Allez, il est temps de conclure. Ah, oui, on va classer ça. Très bien, nous allons passer au classement. Donc le roman est déjà classé, comme nous le disions, depuis longtemps, mais nous pouvons rappeler sa place pour ce ça remonte, et il est actuellement à la 30e place sur 61 œuvres classées. Derrière, il y a quand même très très majoritairement des nouvelles, ce qui explique, vu qu'elles sont moins développées, qu'on les a mis derrière. Comme on le disait, il y a des scènes qui fonctionnent très très bien, surtout dans la première partie. La deuxième, beaucoup moins. En fait, si on avait classé les deux tomes séparément du fléau, je crois que le premier aurait été beaucoup plus haut et le deuxième beaucoup plus bas. Oui, il y a des chances. Ça aurait été un peu comme ça. Pour les adaptations, nous avons actuellement 95 œuvres de classées, avec aux 5 premières places Carrie au bal du diable de Brian De Palma, Chambre 1408 de Michael Avstrom, No Smoking d'Anurag Kashyap, Dead Zone de David Cronenberg et Shining de Stanley Kubrick. Et aux 5 dernières, Children of the Corn Genesis de Joël Soisson, The Mangler Reborn d'Eric Gardner et Matt Cunningham, Doctor Sleep de Mike Flanagan, You Can't Kill Stephen King de Ronnie Khalil, Monroe Man et Jorge Valdez-Higa, et Room 237 de Rodney Asher. Cette grosse merde infâme qui devrait être remboursée par la Sécurité sociale. Ouais, et qui doit être un des films préférés de Randall Flagg à montrer à ses fidèles. Ah oui, il y a des chances. Et Le Fléau de Migaris, donc la version téléfilm, est à la 83e place actuellement. Donc entre Jesse et The Mangler 2, c'est pas folichon, pas se mentir. Non, effectivement. Moi, je le vois cette nouvelle adaptation un peu plus haut quand même. Hein. Oui, quand même, ouais. Je regarde, je remonte. Même par rapport à Sagdos, c'est mieux, quoi. Oui. Sagdos, c'était vraiment foiré. C'est peut-être vers Monsieur Mercedes, moi, que je commence à avoir des hésitations. Ouais, moi aussi, tu vois. Parce que Monsieur Mercedes a pas une performance dont je me souvienne autant que celle de Skarsgård dans Le Fléau, mais à côté, Monsieur Mercedes a l'avantage d'un personnage qu'on avait trouvé vraiment réussi. Alors, le personnage qui n'était pas dans le roman, parce que c'était la collègue du truc d'informatique. Oui, oui. Mais il y a un personnage auquel je me suis plus attaché dans Monsieur Mercedes que dans le fléau. Monsieur Mercedes est peut-être aussi un peu moins longuet, je pense. Oui, pas de beaucoup. Hein. Non, pas de beaucoup. Des formats très similaires. Ouais, dans Monsieur Mercedes, il y a aussi Oli qui est pas mal. C'est vrai. Ouais, quand même. Ouais. Et c'est pas en dessous de la Cadillac de Dohan. Non, la Cadillac de Dohan, c'était chiant. Donc peut-être en dessous de Monsieur Mercedes. Ouais. En fait, parce que c'est vraiment la Cadillac de Dohan qui commence à marquer la nullité. La vraie nullité, j'entends. Bah, c'est vrai que, ouais, c'est là qu'on commence à entrer dans les trucs qui ont un nombre de qualités vraiment limité. Le pire, c'est que Dolan, on avait du mal à lui trouver des défauts concrets, c'est juste que l'ensemble, on avait tout autant de mal à lui trouver des qualités et qu'on se faisait chier tout du long, du coup. Donc, oui, voilà, c'est ça. Et après, ouais, par contre, on est que dans des trucs qui commencent à avoir des sacrés défauts à chaque fois. Mmh. Non, mais moi, ça me va, hein. Entre la Cadillac et... Et Monsieur Mercedes, ce qui fait la 66e place pour le fléau version Josh Boone. Globalement, le fléau sera pas été remarquablement bien loti chez nous. C'est dommage, on avait une duologie histoire de bagnole. Ah oui. Entre Monsieur Mercedes et la Cadillac. Effectivement, ouais. Faut adapter Roadmaster et qu'on puisse le classer à une des places pour refaire un duo. Hein. Ou alors faire une nouvelle adaptation de Christine toute pérave. Mais c'est prévu en plus une nouvelle adaptation de Christine, mais j'espère qu'elle sera pas toute pérave. Voilà, on sait pas si elle sera pérave. Très bien, bon bah voilà, on en a fini avec le fléau. Nous ne nous retrouvons pas dans 2 semaines, parce que, comme on l'a dit, on va prendre une pause. Petite pause. D'enfant à venir de ton côté, incessamment voilà. Sous peu. C'est ça. Ça sera probablement arrivé au moment où vous écouterez ce podcast. Oui, il y a de fortes chances, à moins que Colissimo perde le paquet. Oui, voilà. Donc, on reprendra courant janvier. Oui. En attendant, vous pouvez réécouter les anciens épisodes et les partager. Attends. On reprendra courant janvier avec Bazar. Oui, on reprendra avec un gros morceau, effectivement. Bazar, donc voilà. Roman qu'on n'a jamais abordé. Déjà. Non, effectivement. Bah, qui a été adapté qu'une seule fois. Oui, voilà, c'est ça, c'est la seule adaptation, c'est pas faux. Mais donc avec un des gros romans de King et son adaptation en téléfilm, que je n'ai jamais vu pour ma part, donc ce sera une découverte. Et bah, moi non plus. Ça va être découverte des deux côtés. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Oui, @cinémaarchiviste pour toi sur Twitter et Blue Sky, et sur Chris Lost Tales sur Blue Sky pour moi. Ouais. Vous pouvez nous retrouver sur Twitch aussi, donc la chaîne Archiviste du cinéma pour moi et The Lost Tales pour toi. Exactement. N'hésitez pas à aller écouter notre nouveau podcast dédié au cinéma en général. On enregistre en live, on prévient des dates sur les réseaux sociaux quand on le fait et on met les épisodes en replay sur ma chaîne YouTube et en podcast. Voilà. Le dernier, le dossier est consacré aux films en plan séquence. Du coup, les films totalement en plan séquence, attention. Voilà, c'est ça. On aborde des vrais et des faux, mais c'est l'idée des films totalement en plan séquence. Et je fais aussi des vidéos sur ma chaîne YouTube, c'est toujours le même nom. Ça me ferait plaisir que vous alliez les voir. Voilà, tous les liens sont dans la description. Oui. On se retrouve courant janvier, normalement. Passez une bonne fête de fin d'année. Exactement. Des bonnes fêtes de fin d'année, puisqu'on ne vous reverra pas d'ici là. Enfin, vous ne nous re-entendrez pas d'ici là. Lisez du King, c'est une lecture parfaite pour Noël, en famille et tout. C'est vrai, c'est très familial finalement. Un bon petit cimetière là pour faire plaisir aux enfants. Au coin du feu. En même temps que vous leur offrez leur chaton. Hein. Un bon petit cimetière au coin du feu en buvant un lait de poule, c'est parfait. Voilà, on vous dit à très bientôt et n'oubliez pas que le vidéo club de Castle Rock est ouvert 7 jours sur 7. 24 heures sur 24. À plus. Salut.